Il est à peine 17h à Montréal en direct de la brasserie Elm sur la rue Bernard. J'ai le bonheur ce soir d'être entouré de l'immense Fred Savard. Bonsoir. Du très gentil Olivier Niquet. Coucou. Du fébrile Jean-Sébastien Girard. Salut. De notre invité d'honneur, l'exceptionnel Alexandre Taillefer. Bonjour. Et de notre fabuleux public qui trouve que la soirée est encore jeune. Tout le monde, quel beau programme on a pour vous. Ah. Ouais. Et particulièrement pour les gens à la maison, hein, qui sont à l'intérieur alors qu'il pleut, que le maudit dehors ici. Oui. On va recevoir ce soir Gildor Roy pour nous parler. Pour nous parler de quoi, Jean-Sébastien? De son nouvel album, Une autre chambre d'hôtel, une autre chambre d'amour. C'est une autre chambre d'amour? Ben là, il vient pas juste pour ça, n'est-ce pas? Non. Non, ça va pogner, ça, hein, c'est ce qu'on dit. On reçoit également Pierre Curzi en deuxième heure qui va nous parler de souveraineté. Ça, ça va pogner aussi, paraît-il. Ben ouais. Et on va avoir vu ou pas le beau petit film Momie de Xavier Dolan. On n'a pas mélangé avec la Momie. Ah non? La Momie 3, non? C'est pas la même chose. C'est pas sorti d'accord. Encore. On a également toute l'émission à voir avec nous, l'ami Alexandre Taillefer. Merci, Alexandre, d'être ici. Jean-Philippe, c'est un plaisir. Vous savez qu'en tant qu'invité d'honneur, vous avez les mêmes droits que tout le monde ici autour de la table. Alors, ça veut dire que vous avez le droit d'intervenir pendant les entrevues, pendant les blogs de tout le monde, sauf celui de Fred. Oui, pendant ma chronique, c'est tellement écrit d'une façon serrée, là. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On vous demande d'intervenir, surtout à cause de sa mauvaise foi. Vous avez le droit aussi de poser des questions aux invités. Oui, surtout d'insulter. Vous avez le droit d'insulter chacun des membres de l'équipe et particulièrement Jean-Sébastien ben ouais, Girard. Non, c'est nouveau, ça? Ben non, moi, je vous insulte tout le temps et ça fonctionne très, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de bon cette semaine? Je commence par Alexandre. Alors, pour moi, c'est important que ça soit factuel. Alors, ce que j'ai fait, je suis remonté dans mon calendrier, dans Outlook, et je vais vous dire ça, je suis un gars de chiffres outils. Hein. Ah, vous mon savez? Dieu! Alors, j'ai assisté à 3 conseils d'administration, un comité de compensation. J'ai reçu 791 emails, excluant le spam. J'ai envoyé 466 emails, excluant le spam. Ah. J'ai écrit 8 tweets, 4 posts Facebook. Je me suis fait 11 nouveaux amis Facebook. Ah oui, je m'en J'ai mangé 2 fois au restaurant, dont une fois avec ma femme. J'ai eu le droit à l'autre un... fois? J'ai eu le droit à un rubber chicken. Ah oui? Oui, je me suis entraîné 2 fois seulement. Et on a reçu à souper 3 fois. 22 rendez-vous, je suis arrivé 13 fois en retard et j'ai fait 300 pots de tomates avec 24 amis. Pardon, ça? 300 pots de tomates avec 24 amis. Wow. Eh hey, mon Dieu! C'est pas gros, ben, ça, c'est une belle semaine. Ça, c'est une vraie belle semaine. Je vous demande ça à chaque semaine. Vous n'avez jamais rien fait autant que ben ça. Moi, j'ai fait 23 pots de tomates cette semaine. J'étais seul, non? C'est tout à ah fait. Oui, 23? Ouais, ouais, 23. Ben, 5 pots de salsa, 5 pots de salsa tomatillo et 5 pots de sauce barbecue. Maison, très, très bonne. Mais je veux surtout... c'est accessoire parce que j'ai été très inquiet cette semaine. Ben voyons donc, vous. Ouais, parce que je suis tombé sur un grand, grand dossier très fouillé de la presse. Le monde est-il malade? Ben voyons donc. Il me posait la question sérieusement. Et c'est de jeunes journalistes, visiblement, parce que je les connais pas beaucoup. Et c'est ça, ils posaient vraiment le monde. Il paraît que le monde est à feu et à sang, je sais pas si vous êtes au courant. Non, et là, on se posait sérieusement la question, est-ce que le monde est malade? Et je suis content de savoir que les médias nous informent et nous sécurisent comme ça. Moi, j'aime ça quand on me prend par la main, là, comme ça, comme lecteur, et que j'aime ça. Et finalement, non, parce qu'il y avait un encadré à droite. Non, le monde ne sont pas dans le chaos. Alors, on met tout ça en perspective et finalement, ça va pas si mal. Il paraît que c'est une belle période. Et je savais pas ça. Bon. Avant ça, j'aurais fait plus de tomates. Ben oui. N'hésitez pas à nous en parler encore. Olivier, vous avez fait quoi, vous, cette semaine? Ben moi, cette semaine, je n'ai pas écrit sur Facebook les 10 livres qui ont marqué ma vie. C'est une niaiseux, ça. C'est ça, oui. C'est une niaiseux, ça. Lettres, là. Qui a répondu à ça dans la salle, là, cette chaîne de lettres des 10? Oui, qui? Mais levez la main là, dans la salle. Les gens qui ont lu 10 livres, premièrement. Il y a une seule personne. Ma mère a répondu à ça. D'ailleurs, je me suis désabonné de son fil Facebook. Et Jean-Sébastien, vous l'avez fait aussi. Oui, je l'ai fait. J'ai aussi relancé ma mère, mais comme elle est analphabète, ça a créé comme une petite tension dans la famille, là, évidemment. Non, mais on s'entend que c'est juste un prétexte pour se penser bon, ça. Oh, ouais, ice pocket des intellos. Ouais. En tout cas, moi, personne ne me l'a demandé. Fait que j'ai décidé de faire l'inverse. Je vous ai préparé 5 livres que qui auraient pu me marquer, mais que j'ai pas fini parce que je suis trop niaiseux pour les comprendre. Ouais. Alors d'abord, il y a Don Quichotte. Ça, j'ai essayé 2 fois de c'est lire. Très long. C'est plate. Ouais. Puis de toute façon, l'important, c'est juste de savoir qui se bat contre des moulins à vent pour plugger ça dans une discussion plus tard. Ouais. Le pendule de Foucault, d'Umberto Eco. J'ai rien compris là-dedans. Non, c'est très long. Howard Zinn, une histoire populaire des États-Unis. Ça, c'est l'histoire des États-Unis du point de vue des opprimés, ça, des pauvres. Tout le monde meurt là-dedans. Ça me c'est déprimant. Ben oui, j'ai arrêté en 1822. Germinal d'Émile Zola. Ça, en fait, j'ai trouvé ça bon, mais je le lisais sur mon iPad que j'ai perdu dans l'avion, fait que j'ai pas pu le finir. Probablement que je vais louer le film. Et il y a la biographie de Guy Lafleur qui traîne sur ma toilette depuis un bon bout de temps. Sur ma toilette? sur la toilette, sur le dessus. Ouais, okay. Que ça, j'ai arrêté de le lire parce que l'auteur, au moment où l'auteur compare La Fleur à Voltaire, après ça, j'ai arrêté de prendre ça au sérieux. Si vous aviez lu Voltaire, vous auriez peut-être compris. Peut-être ça l'histoire. En tout cas, je pense que cette nouvelle chaîne-là, ça va sûrement être viral. Les 5 livres que vous n'avez pas lus parce que vous êtes trop peu intelligent. Ah, ben ça, c'est très intéressant. Jean-Sébastien, vous avez fait quoi, vous, cette semaine? Moi, comme tout le monde, j'ai lu ce fameux reportage de la journaliste Lily Boisvert. Lily Boisvert, vous savez, qui blogue sur radiocanada.ca. Vous vous souvenez? Non? C'est difficile de trouver un blog sur le site de Radio-Canada. Ah, arrêtez, là. Je n'ai pas trouvé, il a été relayé par le Huffington Post. C'est là que je l'ai trouvé par la suite. En fait, Lily Boisvert, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est celle qui s'est promenée les boobs à l'air cette semaine. Les boobs, ce qu'on appelle? Les seins. Les seins. Je mélange tout le temps ces deux mots-là. Samedi 5h, Jean-Sébastien. Donc, j'oublie qu'on n'est pas le vendredi. Donc, effectivement, elle s'est promenée nue pour documenter un peu la réaction des gens dans la rue. C'est extrêmement intéressant comme dossier, très fouillé. Elle a conclu par dire qu'il s'est passé rien. Elle a dit personne l'a insulté, personne lui a fait des menaces, personne l'a regardé avec mépris, haine ou dégoût. Personne s'est mis à s'astiquer le petit Jésus en la voyant en public, etc. etc. C'est vraiment écrit ça, là? Ben, pas dans ces termes-là, j'essaie de jazzer ça pour la radio. Mais essentiellement, c'est ce qu'elle a dit. Évidemment, et là, c'est pas des blagues, ça aurait été sympathique qu'elle dise qu'elle a tenté cette expérience-là dans le village gay à Montréal. Ah, c'est ça. Ce qu'on c'est voit. Ça. Et c'est vrai, en plus, on le voit sur les photos. Je suis pas certain que les réactions auraient été les mêmes dans le centre-ville de McMasterville, par exemple. Non, ça, évidemment. C'est sûr. Et on salue les gens de McMasterville. Il fait 9 degrés présentement. Alors, cela étant, j'ai décidé moi aussi de documenter un dossier comme celui-là, mais version pour hommes, évidemment, histoire de faire moi aussi une expérience sans intérêt pour alimenter les médias en manque d'imagination toute la semaine. Alors, je vais faire l'émission d'aujourd'hui, Jean-Philippe, complètement flambette. Ah. Absolument. Alors, je me déshabille à partir de maintenant. Voilà, je me dézippe. C'est un très long zipper. Ouais, c'est un one piece, un jumpsuit. C'est un jumpsuit. Oui, voilà. Alors, évidemment, ce que je veux faire avec ça, c'est obtenir des réactions. Alors, j'invite les gens du public à avoir des réactions. Je vais documenter ça éventuellement. Aussi, évidemment, à la maison, je serais curieux d'entendre comment vous réagissez face au fait de m'entendre faire de la radio nue. Ben là, vous entendre, il n'y a pas de... Il y a sûrement une différence, une fébrilité dans la voix. Il y a un petit claquement. Ouais. Bon. Alors, je vous invite évidemment à nous écrire, à réagir. C'est tellement gazeux. Et voilà. Ça ressemble beaucoup à ce que vous faisiez l'année dernière. Hein? Ah oui, un peu, mais évidemment, il y a plein de gens qui m'écrivent depuis le début de la saison qui font comme... on s'ennuie beaucoup de Jean-Sébastien Girard de l'année dernière. J'ai envoyé 3 courriels, moi. Ah, je sais. Les gens s'ennuient de ce que je faisais l'année dernière. Donc, je vais recommencer à parler de bisounes à partir de cette semaine. Les gens sont très chanceux de ne pas avoir d'odorament encore à la radio. Non. Et flatteur, flatteur. Même le visiorama, c'est limite, je vais vous dire. Olivier, préparez-vous à recevoir beaucoup de courriels là-dessus. Oui. Mais vous avez certainement une question du jour là, où nous rappeler des millions d'adresses. Je vais vous donner des adresses avant. Là, notre site internet, radio-canada.ca/la-soirée. Et sur ce site, vous trouverez un formulaire pour assister à l'émission en direct de la microbrasserie Elmo 273 Bernard Ouest à Montréal. Là, vous trouverez aussi un lien pour la balado-diffusion. Vous pourrez réécouter l'émission et des segments de l'émission. On est aussi sur twitter.com/... On pourrait l'enregistrer. Oui, ça va faire 3 ans là, que vous faites les mêmes phrases. Twitter.com/la soirée, Facebook.com/la soirée est encore jeune. Comme si on retenait ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà allé sur Facebook à cause d'une adresse qu'on a donnée à la radio? Sûrement. Pas de blague, là. Alors, Facebook.com/la soirée. Ah, j'ai manqué à la fin. Ouais. OK, la semaine prochaine, on travaille ça. En tout cas, on va passer tout de suite à la question du jour d'abord. Ouais. Mais les gens peuvent répondre à notre question du jour à lasoirée@radio-canada.ca. Alors, on a appris que les dirigeants de Radio-Canada croient que les Canadiens sont prêts à payer pour avoir accès à la programmation de la société. Alors, ma question, vous seriez-vous prêt à payer pour Radio-Canada, incluant Cap sur l'été? Alors, répondez par courriel ou avec le mot-clic la soirée, s'il vous plaît. Il y a une chroniqueuse de Cap sur l'été dans la salle, juste vous dire. Et c'est mon épouse, alors vous êtes vraiment mal barré. Alors, Cap sur le malaise! Merci beaucoup, Olivier. C'est bien le fun de faire ça en début d'heure comme ça. Bon, de toute façon, en attendant, on va aller rejoindre notre salle de nouvelles portative. Il faut bien s'informer, bon Yann. Oui. Fred Savard, le Pierre Bruno de sa génération, bonsoir. Oui, tout à fait. Le syndicaliste Bernard Rimbaud-Gauthier aurait été sollicité pour faire de la politique. Hein? Oui, c'est un militant proche du chef bloquiste Mario Beaulieu. En fait, le militant proche du chef bloquiste Mario Beaulieu qui l'a rapproché pour qu'il se présente sous la bannière du Bloc québécois. Mais Rimbaud a affirmé que la scène fédérale ne l'intéresse pas. Le jour où il voudra péter des gueules en politique, ce sera au provincial. Ah, dur coup pour le Bloc, effectivement. Oui. Toujours en ce qui concerne le pauvre monde, hein, il y a le devoir qui nous apprenait que le Parti québécois veut une course à la chefferie restreinte. Oui, ça, c'est vrai. Hein? Oui, alors que les détails ne sont toujours pas dévoilés, on sait que les candidats devront tenir 2000 signatures et déposer 35 000 $. Alors, si on lit entre les lignes, on comprend que le candidat idéal, selon l'exécutif du Parti québécois, doit ou bedon s'appeler Pierre Carl, ou bedon posséder un empire médiatique, ou bedon avoir un nom de famille qui finit par O et qui commence par Pélade. Oh! On ne voit pas qui ça peut être. Non, non, non. Sinon, quoi d'autre? Ben, y a les Atikamekw qui lâchent pas dans leur désir de souveraineté territoriale. C'est pas rien, ça. Oui, malgré les doutes émis par Philippe Couillard au début de semaine, les Atikamekw ne reculent pas et réaffirment la souveraineté sur leur territoire d'une superficie de 80 000 km². Pour sa part, Bernard Drinville a perdu connaissance quand il a appris la nouvelle. Ah ben mon Dieu, ça va vite pour lui. Ah, ça va bien trop vite. Vous savez qu'il pourrait se réveiller juste en 2023, hein? Oui. Lors du deuxième mandat majoritaire du PQ. Hey boy. Dans son monde imaginaire. Il fait déjà des rêves. Une nouvelle qui a pris tout le monde par surprise cette semaine, en fait, c'était même hier. Oui. Rob Ford se retire de la course à la mairie, à la mairie de Toronto. Oui, des ennuis de santé le font à se retirer. Ouais. On aurait trouvé une masse dans son abdomen. Il laisse donc dans le deuil les citoyens jambons de Toronto, les humoristes et les pocheurs de crack. Mais Doug est là quand même pour reprendre du collier. Restons dans le domaine. Un rapport du Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada démontre qu'un décès sur cinq en prison est un suicide. Oui, c'est un taux sept fois plus élevé que dans la population générale, ce qui fait dire au sénateur Boisvenu qu'il n'y a pas juste du négatif, on sauve sur les cordes qu'on laisse dans les cellules. Alors, c'est toujours ça, quand même. C'est une vraie citation, ça? Non. Juste pour l'avocat, merci. Oui. Alors, Fred, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Oui, d'ailleurs, il tente de m'appeler depuis tantôt, l'avocat. Je le vois sur mon téléphone. Oui, on va répondre à la fin. La météo. Gildard fait des faces, hein? Oui. Il se barre de s'en aller. Alors, il pleut à Montréal. Oui, mais là, c'est sûr. Ouais. C'est vrai, il fait pas très beau. Également à Québec et à Ottawa. C'est les seuls endroits où il pleut. Un peu dans le sud de la Saskatchewan. Et là, je veux m'excuser pour les gens de Calgary. Je n'avais pas vu venir la semaine passée le 50 cm de neige. Oui, c'est un peu. Je me suis un petit peu mélangé dans mes boutons. Et d'ailleurs, à Iqaluit, il faisait 41. Alors là, il faut checker ma formule. Ouais. Mais sinon, oui, c'est ça. De nuageux ensoleillés pour le reste du pays. J'ai fait la moyenne de la température encore cette semaine parce que les gens m'écrivent, me disent « Mon Dieu, ça m'aide à savoir si j'étends mon linge dehors. » Et la moyenne est de 16,8 degrés au Canada en moyenne. Tout le Canada, c'est la moyenne. Fait qu'on est capable de dire si on va à l'étranger, en tant que Canadien, il fait 16,8 chez nous. 16,8. Ben, c'est génial, oui. Ça. Et on invite les gens, évidemment, pour la circulation, à nous écrire pour nous indiquer s'ils peuvent avancer ou non dans leur coin de pays. Et on va relayer ça. C'est une émission de service, on le répète. Et vous excellez là-dedans, Fred. Présentez-nous notre premier invité, s'il vous plaît. Comédien, animateur, chanteur country, il est sûrement dans le top 3 des personnages les plus sympathiques du potin de l'UDA. Accueillons M. Gildard Roy! Gildard! Vous avez 2-3 micros, vous avez le choix. Hein? Vous avez deux micros, un café, ben oui, un verre d'eau. Je sais pas ce qui se passe. C'est de la radio. Vous allez bien? Ça va très bien. Vous connaissez Alexandre Taillefer, Gildard? Pas vraiment, non. Non, enchanté. Enchanté. C'est un dragon. Et j'ai rien à vendre. Ah non? Vraiment pas. Gildan, on est très très content de vous recevoir. Vraiment. Vous avez une. Je regardais en fait, je me rappelais votre curriculum vitae qui est extrêmement épais. Et je me disais, quelle belle carrière à la télé, au cinéma et pourtant une tâche à votre CV, le country. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un s'obstine à évoluer dans cette musique. Que je ne comprends pas. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment le country ici dans la salle. Ça me surprendrait énormément. C'est sûr. Oh mon Dieu. Ben ouais. Ah ouais, ah. Moi, je trouve qu'il faut avoir le cœur sec pour ne pas aimer le country. Le cœur sec. C'est une bonne description. C'est vrai. Non, mais je non, mais écoute, il y en a du bon, mais il y en a du vraiment mauvais. Ah, ben c'est là. Sûr, ouais. Ah, ben c'est ça. Probablement que tu me sembles avoir entendu surtout du mauvais. Probablement que c'est ça le problème. Je parle du country parce que cet été, vous avez animé à Ici Musique, Ici Espace Musique. Ici musique. Ici.ca. Hein? Oh, regarde, je me suis trompé de cité. Ici.mu. L'autre chaîne de Radio-Canada. Ouais. Vous avez animé pendant tout l'été dans le char à Gildard, ouais. Qui est une émission de country. De musique country, oui. Puis, je disais que vous vous posez toujours la question, pourquoi les gens considèrent que le country, c'est rien qu'une musique d'été, alors que les gens qui aiment le country aiment ça à l'année? Oui. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Non, pas vraiment. Moi, j'aime ça à l'année. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui aiment ça juste l'été. Mais ça semble que c'est une musique peut-être estivale. Peut-être c'est parce qu'ils boivent plus l'été et ils aiment ça quand ils sont chauds. Je ne sais pas. Puis si je vous demandais d'essayer de nous faire aimer l'été, vous feriez l'été. Non, ça, c'est correct. nous faire aimer le country, serait comment? Écoute, Tu peux pas forcer quelqu'un à aimer le country. Tu peux pas forcer quelqu'un à aimer le jazz non plus, non. Ni le blues. Mais ça s'apprend. Rock, ça s'apprend. Ni le rap, mon Dieu, non. mais il faut que tu en trouves qui correspond à quelque chose en toi, simplement. Ça se peut que tu n'aimes pas ça aussi, puis c'est pas grave. Je dis ça, mais des fois, j'ai des faiblesses et j'en écoute. Ben oui, c'est sûr que t'en écoutes. Qu'est-ce que vous écoutez, Jean-Philippe? Des noms, là? Juste non, mais les sœurs Boulay, là. Ouais. Ben non. Bon, c'est, voilà. C'est un petit peu country. Oui. Ben quand même. Ben oui. Mais il y a des nuances, le folk, le country. Ils ont des tunes plus country que d'autres. Non, c'est pas. Mais l'appellation folk, un peu, c'est comme pour légitimiser, j'imagine, les gens d'écouter du country avec. Ben, écoute, c'est fait beaucoup de country rock dans les années 80 au Québec. Margeau, Richard Séguin, c'était beaucoup ça. Du country rock? Ah ouais, c'est du country. C'était des Américains, on aurait dit country rock. Ah, ouais. Comme Bruce Springsteen en a fait beaucoup. Sauf que le producteur lui disait « Mettez pas de chapeau sur vos albums. Puis dites-le pas en entrevue, c'est pas bien vu. » Mais comment ça fait que c'est pas bien vu? Je sais pas pourquoi. Puis c'est Montréalais, hein, ça. C'est, ben voyons donc. Montréal, c'est la seule ville d'importance en Amérique où il y a pas de station de radio country. Il y a trop d'hipsters. C'est la seule. Ben voyons donc. Tu sors le Montréal. Écoute, il y en a une à Kanawaki. Oui. Mais sur l'île, loin quand même. Même est-ce que c'est parce que les textes sont trop de qualité que ça rejoint pas les gens? Il y a des textes pourris et il y en a d'excellents. D'ailleurs, cet été, on a fait jouer une chanson de Willie Nelson qui parle de l'homosexualité chez les cowboys. Hey, mon Dieu. Et c'est vraiment très drôle et très bon. Mais on l'entend pas à radio au Québec, celle-là, tu sais. Mais parce que je sais que vous travaillez quand même au 98.5 et là, on donnera pas le chiffre du poste pour pas que les gens y aillent. Donc, donc là, vous travaillez au 98.5 et je me demandais comment. Il n'y en a pas non plus au 98.5 de la musique country. Il n'y en a même pas non plus à Espace Musique quand on écoute Espace Musique. Pas du tout. Non. Il y en a juste l'été à Espace.mu musique. Musique. Non, mais attends une minute. Au 98.5, pour pas le nommer, le samedi, il y a de la musique en après-midi pendant. Mais puis je pense qu'il y en a même genre du Shania Twain non plus de l'entendre. Shania Twain, c'est du country? Ben oui. Du? Shania Twain, c'est du country? Oui, Shania, c'est du country, M.O.R., crossover, country pop, là. C'est du coré, là. OK, fait que vous n'êtes pas un gros fan de Shania. Ben oui, c'est bien sûr. C'est accessoire. Parce qu'elle se met de la crème de pied de vache dans le visage. C'est son secret de vie. Oui. Il y a plusieurs personnes qui connaissent qui font ça. Ah oui, ben c'est ça. C'est en même temps, regarde. Est-ce que vous mettez du pied de vache dans la face, vous, Alexandre? J'essaie le plus souvent possible. Oui, c'est normal. C'est ça, votre aussi, vous avez une peau d'un satiné incroyable. C'est extraordinaire. Mais ça, les gens ne le voient pas, ça, à la maison. Puis ça, je trouve ça très dommage. Sûrement que votre épouse a fait un sujet là-dessus à Cap sur les pieds. Vous pouvez réagir à ça, hein, Alexandre? Je vais me venger tout à l'heure, promis. Préparez votre vengeance. De toute façon, les segments de Jean-Sébastien sont pas super... Enfin, on en reparlera tantôt. Par contre, il a fait un très bon personnage des Simpsons. Oui, on a joué dans les Simpsons, Guy Dorian ensemble. Dans les Simpsons ensemble. Ouais. Comment, pardon? What? Ouais. Vous écoutez pas la première chaîne de Radio-Canada, vous? Rarement. Ouais. Rarement. Plus on est de fous, plus on lit. On lit des textes le vendredi. Et puis, il a fait... Ouais. C'était un vendeur d'auto. Vendeur d'auto. Vous faisiez quoi, vous, dans les Simpsons? Homer. Ah oui? Ah! C'était pas très bon. OK. M'attendais à ce que vous le fassiez. J'ai fait Shrek aussi déjà à Plus on est de fous, plus on lit. Puis? Je commence à me demander pourquoi il m'engage, puis ça a rapport avec mon poids. Justement, parlant de poids, non, il n'y a pas vraiment de lien. Fils a exactement la même coupe de cheveux que toi. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Oui, mais lui, il a 16 ans. Enfin, des choses que nous, on peut pas dire dans l'équipe. Ça te fait tellement bien, M. Roy. Je l'ai vu dans vos yeux, les gars. Les gens ont beaucoup ri dans la salle et honnêtement, je suis capable de reconnaître un bon ou un mauvais public et ce n'est pas un bon public. Donc, on va être chien. J'ai écouté la théorie du chaos cette semaine. Ouais. Et mais en fait, je veux bien essayer d'être chien, mais ce ne sera pas nécessairement facile là-dessus. Vous jouez un Yvon Michel des pauvres, comme dirait Hugo Dumas. Ouais. Vous êtes un promoteur de lutte. Ouais. Parce que bon, tout ça tourne autour de Rémi-Pierre Paquin qui s'inscrit à une lutte amateur. Par hasard, pour impressionner son fils. Exactement. Ouais. Tout le monde a fait ça un jour dans sa vie, hein, Fred? Non. OK. et donc, vous êtes un peu le promoteur de ce, de ce tournoi de lutte-là. Je ne sais pas trop. De ces soirées de lutte-là. Puis là, il me semble que ça n'a pas l'air d'un rôle de composition. Est-ce que vous aimez la lutte? J'ai aimé la lutte jeune, adolescent, Hulk Hogan, là, à cette époque-là. Ouais. Et un petit peu avant ça, à l'époque, je suis quand même assez vieux, Édouard Carpentier. Ben oui, puis le géant on ne pas sauvé. Oui, exactement. Ah oui? Un, deux, trois, et bonne soirée le de dimanche lutte. Dimanche matin. Tout ça, on adorait ça. Ben oui. Mais je suis jamais allé voir un gala de lutte, par exemple, de ma vie. Et c'était la première fois que je rencontrais des lutteurs assez longtemps pour avoir une conversation puis comprendre que c'est un genre d'acteur, un lutteur. Ben, c'est ça. Tout ce qui est préoccupe, c'est est-ce que le monde a l'air d'avoir du fun dans la salle? Et ça, c'était vrai, c'était une belle révélation. Des gars formidables et durs à leur corps. Ah ouais, ben c'est ah, ça. C'est... Moi, j'ai vu un des lutteurs, là, il s'est disloqué un orteil pendant qu'on tournait. Là, je l'ai vu tomber, ça a fait... Oh, j'ai vu dans... Puis il a tourné encore 6 heures après sans rien dire. À la fin de la journée, il a fait « Oh, je pense que mon orteil est disloqué. » Et c'est constamment comme mais ça. Mais c'était quelque chose qui était tellement plus populaire dans les années 70. La fin des années 70, c'était complètement fou. Dans le ma grand-mère Estelle, qui faisait du haut de ses 4 pieds 8, qui sentait l'antiflogistine à plein nez, Dieu est son âme. On allait là le dimanche soir pour aller manger chez elle et... on regardait la lutte et elle disait, là, elle se levait puis tu l'es! mais dans le décor de mon bureau dans la série, il y a des vieilles photos de lutte et il y en a une entre autres où c'est, mon Dieu, c'est-tu Yvon Robert, je pense que sûrement. Et c'est plus vieux. C'est Yvon Robert et Maurice Richard dans une limousine avec des gens sur la rue qui les acclament parce qu'ils s'en vont à un gala de lutte au Centre Paul Sauvé. C'était une aussi grosse star que Maurice Richard. C'était une autre époque, là, mais c'était aussi gros que ça. Pourquoi ça a tombé, cette histoire-là? Aussi fort, parce que, bien honnêtement, je veux dire, il n'y a plus... Je pense à cause... C'était assez innocent quand nous, on le regardait à la télé, là. Mais quand c'est devenu un spectacle plus... je vais utiliser le mot sexiste, mais quand la WWF s'est mis à introduire les blondes des gars qui trompaient le chum avec l'autre lutteur, puis l'autre sortait... Vous saviez que dans la WWF, l'espèce de directeur artistique, là, c'était Pat Patterson, qui était un Québécois, qui était la... Comment que ça, son surnom? C'était la merveille du Québec. Dans les années 70... Pat Patterson, il avait, il me semble, un signe de pièce. Oui. Je sais pas pourquoi je me souviens de ça. Oui, il avait son coming out, d'ailleurs, l'année passée. Officiellement. C'est vrai? Tout à fait. Puis il a travaillé longtemps à la WWF comme espèce de metteur en scène, là, de qui va faire quoi, qui va être méchant, qui va être bon. Oui, c'est ça. Mais ça, on le voit vraiment dans la théorie du chaos. En tout cas, dans le premier épisode que j'ai pu visionner, vraiment, tu vois le jeu là-dedans, mais tu vois aussi la passion encore des jeunes là-dedans pour ce théâtre. Parce que c'est un théâtre, quelque part. C'est un théâtre. Et la plupart des figurants qui étaient figurants, là, c'est des gens qui vont à ces galas de lutte-là. Et ils réagissaient comme ils réagissent normalement. Il y en a eu le 6 septembre, c'était la même chose. C'était un exutoire, puis tu peux... Grand-maman, elle peut crier « tu l'es », puis c'est correct de le faire dans ce cadre-là. Tu sais. Parce que c'est comme assumer que c'est quand même une pièce de théâtre. Tu sais, votre grand-mère devait s'en douter un petit peu? Elle était quand même assez âgée, là. Je pense que... OK, excusez-moi, je ne sais pas... Fait qu'elle savait pas. Ben, je pense qu'elle croyait réellement, puis elle suçait des paparmanes en regardant ça. Non, mais ça me ramène plein de mémoires. Ma belle-mère, c'est la même chose en République dominicaine, et c'est la lucha libre, puis c'est pendant une heure, là, c'est comme une caricature de maman latine, ma belle-mère. Mais pendant cette heure-là, elle est dans sa chaise berçante, et « Matalo pogno! » C'est une autre femme. Ça finit, elle était à la télé, puis elle vaque à ses occupations, mais c'est assez... Le même genre de cri que... même genre de cri que vous avez pu exprimer quand le Canadien vous a sacré une volée au printemps dernier. Les Bruins, je pense. Moi, je l'avais prédit, par exemple. Est-ce qu'il y a une raison que le micro est jaune et noir? C'est quand même, on va vous en parler jusqu'à la fin de votre vie. C'est correct, ça vient avec. Partisan des Bruins. J'aurais dû parler plus en 2011 quand on a gagné la Coupe, par exemple, mais je me suis abstenu terriblement. Quelle erreur que vous avez commise là-dessus. J'ai vu que l'auteur de la théorie du chaos est le même que Kilomètre Heure. Ouais. Kilomètre Heure, Martin Forget. Qui a duré combien de temps à TVA? 8 ans. Ça, quand même, moi, je l'ai écouté beaucoup, Kilomètre Heure. Vraiment? Oui, vraiment. Et je vous ai vu boire beaucoup de bière là-dedans. Mais on buvait pas, on ouvrait la canette. C'est comme brou. C'est plus un effet spécial que d'autres choses. Ça joue encore sur Prise 2 présentement. Absolument. C'est étonnant, les copes d'écoute. Ah ouais? Oui, c'est. Mais il y avait des personnages intéressants. Frite, mon Denis, à tous les jours. Tu sais, À tous les jours, il y a au moins une personne qui me dit une petite frette, mon Denis. D'ailleurs, on est dans un bar, une petite frette, mon Guilain? Ah oui, là. OK. C'est bon. Je sais que vous avez joué aussi au cinéma cet été dans un autre film de Roch de Merce. Roch de Merce. Ah oui, oui. La gang des hors-la-loi. Ouais. Roch de Merce fait encore des films pour enfants? Ça fait combien de... Combien d'années tu fais ça? Écoute, je ne sais pas ça fait combien d'années, mais c'était pas le 30e ou le 25e compte pour tous. 30e des comptes pour tous. C'est énorme. Et là, je sais qu'ils refont la guerre des tucs, mais comme en genre, pas en dessin animé, mais en 3D. Hein, en ça 3D, va être là, les dessins sont magnifiques. Je pense pas que ça va être aussi bon, honnêtement. Ça va être difficile. Ça sera pas la même chose, mais c'est difficile de battre la spontanéité de ce film-là. C'est déjà que le chien. Mais c'est phénoménal. C'est un monsieur phénoménal, je pense. Est-ce que c'était la première fois que vous jouiez dans un film, ouais, dans un compte pour tous? Oui, dans un compte pour tous, oui. Puis c'était un petit rôle, hein, c'était 3 jours de tournage. Il n'y a pas de petit rôle. Oui. Non. Il n'y a que de petits comédiens. Mais il faut savoir qu'il dit ça parce que... Il n'y a que de petits cachets. Faut savoir qu'il dit... J'ai accepté parce que c'est un compte pour tous. Il dit ça surtout parce que c'est un comédien de second, tiers ou... Non, ça dépend. Mais il m'est arrivé de faire quelques rôles comme ça et on me répétait ça qu'il n'y a pas de petit rôle. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de petit rôle. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes jaloux, vous n'en faites pas de cinéma, vous. Ben, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et puis vous êtes en train de tourner dans un film qui va voir le jour bientôt. Ceci n'est pas un polar. Ah, c'est, ça oui, sort à Halloween, c'est déjà tourné? C'est déjà tourné, oui. Ouais. C'est tourné le printemps passé, je pense. Donc, c'est un film d'horreur. D'horreur? Ben, ça sort à Halloween, hein? Fait que... Écoute, ouais, disons de l'horreur psychologique. C'est plus un trip psychologique. On est dans la tête à Roy. Et c'est pas beau. C'est moins beau que le dehors. Non, c'est un chauffeur de taxi d'origine polonaise, d'ailleurs, puis il est bien bon. Je sais pas pourquoi. Puis ça va pas bien dans sa vie. C'est une espèce de quête de sa part. Il y a des personnages assez troublants là-dedans, dont celui que je fais, qui est un pusher. Ouais. Mon Dieu, c'est faut pas être gênant. Hein? C'est mon rôle. Walter White à moi. Ah ouais? Ouais, genre. Ça va-tu être aussi populaire que Breaking Bad? Probablement pas. Ah, bon. Quand même, on va aller le voir. Hein? Oui, non, c'est bon. Le 31 octobre. Et en terminant, juste vous rappeler, je regardais ça. J'ai vu que vous aviez remporté un Aurore pour qu'il ait les prix d'Infoman. Oui, je n'ai pas remporté deux. Ben, en tout cas, celui que j'ai retenu vraiment, là, okay, c'est celui qui... en fait, c'est le prix. On n'avait pas besoin de voir ça pour votre rôle dans Lac Mystère. En fait, c'est la scène où vous faites lécher les plaies par un chien. Là, je me disais... Mais qu'est-ce que tu veux? Ben, je sais pas ce que je veux, C'était une bonne idée, sur le coup. Eric Canuel m'a dit, là, tu saignes, puis là, le chien, il va venir te licher la plaie dans le crâne. Je fais, qu'est-ce que tu veux? Je t'ai déjà étendu à terre, puis je saignais. Qu'est-ce que je fais? Ça a-tu donné une bonne scène? Je l'ai malheureusement pas vue. Entre vous puis moi, là. Moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle, en tout cas. Mais c'est pas un film d'horreur? Hein? C'est pas un film d'horreur? Toi, tu veux que ce soit des films d'horreur? Ben là, Lac Mystère, c'est pas une comédie. Non, c'est pas un film d'horreur. C'est comme un genre de thriller un peu fucké, là. je pense. En tout cas, ça finit sur une bonne note avec le petit chien. D'ailleurs, je lis que votre propre chien s'appelle Chanel. Je laisse ça là-dessus. OK! Ça, c'est chien. Ben non, mais je disais... C'est le chien de ma fille, en fait. Ah. Elle voulait un chien à sa fête. Fait qu'on lui a acheté un chien. Elle l'a nommé Chanel, puis elle s'en est plus occupée. Ah. Fait que c'est devenu mon chien. Mon chien s'appelle Chanel. Ben, gérez ça comme vous voulez, Gilda Roy. Vous restez avec nous, hein? Oui. Ah, génial. Merci beaucoup à Gilda Roy. Merci. Les vendredis, on se fait plaisir à Télé-Québec. Paroles de Patrick Lagacé et Jean-Philippe Vautier. Dès 19h, il y a le nouveau quiz C'est du sport avec un gars vite sur ses patins, Patrice Bélanger. À 19h30, ben, c'est le délire assuré avec les bobos. Après, on se met en appétit avec Curieux Bégin, 20h. Hein? Comment ça se fait qu'il y a une pub de Télé-Québec à Radio-Canada? J'ai entendu ça à la radio cette semaine. Puis je trouvais que c'était un beau concept, plein de fraîcheur. Là, toi et Patrick Lagacé qui présentaient la programmation de Télé-Québec. Je me suis dit, franchement, comment faire ça, nous autres, ici, Radio-Canada Première? Avoir un petit duo rigolo pour présenter la programmation. Alors, on s'est improvisé. On a fait la même chose, dans le fond. C'est un hommage. Mais c'est donc bien gentil, ça. On va écouter ça. Les samedis, on se fait plaisir à Ici Radio-Canada Première. Parole de Jean-Sébastien Girard et Fred Savard. Dès 19h, juste après nous autres, il y a la rediffusion de C'est fou. Hey boy, j'écouterai même pas la première diffusion, imagine la deuxième. Franchement, c'était pas nécessaire. Et à 20h, c'est la rediffusion des éclaireurs avec Philippe Desrosiers. Non, il y a rien que des reprises à Ici Première. Faudrait appeler ça Ici Deuxième. Ben voyons donc! À 22h, c'est la sphère. Mathieu Dugal est tellement intense que même en rediffusion, c'est pas les mêmes sujets qu'à 13h. Et à 23h, c'est encore une rediffusion. Faut pas croire tout ce qu'on dit. Encore mieux pour s'endormir qu'un livre plate de Francine Ruelle. Et on se réveille pour notre rediffusion à 2h du matin. Juste à temps quand on revient d'une soirée bien chaudasse. Ta chronique est bien meilleure à cette heure-là, d'ailleurs. T'es bien fin. Non. Les samedis soirs sont en reprise pour votre plaisir sur Ici Radio-Canada Première. Ouais, vous êtes pas obligé d'applaudir. Il y avait une petite erreur dans le sketch. C'est fou, c'est pas la rediffusion, c'est la première diffusion. Il y avait une erreur sur le site web de Radio-Canada. Ici Web. Bon, ouais. Merci, Fred. D'ailleurs, profitez donc de ce moment-là pour continuer avec votre micro, là, vous avez de chronique. Là. Ah oui, y a... Ah oui, ben c'est ça. On oublie ça. Je sais, vous vous attendez à ce que je m'auto-congratule. L'actualité est un peu cheapette cette semaine. Il paraîtrait que je serais un gauchiste radical. Oui. On oublie votre thème de présentation, hein. On l'oublie. Oui. Alors, j'aimerais revenir sur cette lettre écrite par Jean-Martin Aussant, une lettre intitulée « Si j'étais militant péquiste ». Dans cette lettre postée de Londres, Aussant en appelle carrément à une refondation du Parti québécois afin qu'il redevienne le parti qu'il a déjà été, au lieu d'être cette épave qui sombre de plus en plus dans les profondeurs abyssales de l'ennui et de l'insignifiance. Mais Aussant met également de l'avant dans sa lettre les qualités qu'il attend du prochain ou de la prochaine chef du PQ et souhaite, et je cite, qu'on ne redonne pas le Costa Concordia au même équipage. On dit « ouch », mais on dit également « bien envoyé ». Je ne suis pas péquiste, mais je pense être en mesure de faire comme Jean-Martin et d'y aller moi aussi de mes humbles et modestes recommandations pour aider ce parti à donner un peu de challenge au Parti libéral de Philippe Couillard, qui est bien seul ces temps-ci, et ça paraît, ils font n'importe quoi et n'ont aucune opposition. D'ailleurs, parlant d'opposition, si jamais vous voyez des députés de Québec solidaire quelque part, veuillez, s'il vous plaît, nous en avertir. On s'inquiète, hein? On ne les a pas vus depuis la dernière campagne électorale. Il faudrait d'ailleurs les avertir que ce n'est plus le PQ qui est au pouvoir, mais bien les libéraux. Ils n'ont pas l'air au courant. J'espère qu'ils ne sont pas sur une île déserte en compagnie de François Rebello, Elvis et Émile Genet. J'avoue, j'arrive un peu tard dans ma chronique puisque je dois être le seul qui n'a pas encore donné son opinion sur le PQ depuis les dernières élections. Quand vous lisez la presse, d'ailleurs, vous avez l'impression qu'ils sont encore au pouvoir. On ne parle à peu près pas du Parti libéral, même si la presse en est son organe officiel. C'est très étrange. Tu sais, quand Lisiane Gagnon chronique sur un sujet avant vous, c'est que vous êtes en retard, pas à peu près. Donc voici humblement mes quelques recommandations au Parti québécois. D'abord, je pense qu'il est impératif que Bernard Drainville s'excuse auprès de la communauté musulmane pour son projet de charte des valeurs québécoises. Cette charte, en plus d'être contre-productive, a multiplié les divisions. Et vous savez comme moi qu'en mathématiques, multiplier les divisions, ça finit par s'annuler. Et c'est pas mal ce que Bernard a fait, s'annuler lui-même. C'est pour ça qu'il aimerait sûrement un référendum seulement en 2023, pour se faire oublier d'ici là, sûrement. Mais il a peut-être oublié qu'au Québec, justement, notre devise est « je me souviens ». De quoi je parle déjà? Bernard. Ouais. Donc oui, il devrait s'excuser. En fait, à la prochaine fête de l'Aïd, il devrait égorger lui-même un mouton pour montrer aux musulmans qu'il peut être halal lui aussi. Et égorger un mouton, c'est une belle métaphore du PQ depuis sa fondation. Je suggérerais également au PQ d'essayer de convaincre Martine Ouellet de ne pas tenter sa chance à la chefferie du parti. Nous l'avons reçu à l'émission plus tôt en saison et franchement, sans vouloir remettre en doute ses capacités intellectuelles, je pense quand même que le PQ a besoin d'une ou d'un chef capable de produire des phrases complètes quand elle parle. Chose que Martine ne nous a pas montré à l'émission. En même temps, Olivier souffre du même problème, ce qui ne l'empêche pas d'avoir une belle carrière radiophonique. C'est vrai. Je suggère également au PQ, s'il veut aller de l'avant, de se débarrasser de ses belles-mères. Je sais, ce n'est pas facile de se débarrasser de sa belle-mère. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, je serais preneur. Mais pour le PQ, c'est encore plus difficile parce qu'il n'en a pas juste une, mais plusieurs, hein, plus même que le nombre de députés du Bloc à Ottawa. Moi, je leur suggérerais de les parquer dans un CHSLD, un endroit idéal pour ne plus entendre chialer les aînés, ou mieux encore, dans une résidence soleil où la contestation est immédiatement passible d'une poursuite Bayon et qui, vous en conviendrez, aide beaucoup à fermer la gueule aux chialeux. En terminant, je suggérais aux péquistes d'arrêter de tergiverser sur l'indépendance et sur le moment de l'affaire. Vous savez ce que disait l'ancien chef du PLQ, Daniel Johnson? Dites-moi. Si vous voulez mettre le bordel au PQ, enfermez leur stratège dans une pièce et garochez-leur un calendrier. Le PQ devrait s'inspirer des Écossais. Ils n'ont pas branlé dans le manche, eux, pour tenir un référendum. C'est vrai qu'avec un kilt, on a le manche pas mal plus libre et indépendant. Dans le fond, ça veut peut-être juste dire qu'il faut maintenant porter la jupe pour mettre ses culottes. Ah mon Dieu, c'est votre chute, c'est tellement bien dit. Merci Fred Savard. J'espère que Martine Ouellet vous écoutait. Ben écoute. Hey, vous savez, on a le droit de mettre une chanson par heure ici, hein, et j'ai passé passablement de temps à fouiller pour nous trouver une belle chanson. Et je me suis dit, on n'est peut-être pas si loin du country. Là, bon, je stretch un peu, là. Oui, oui, non. Ne soyez pas trop au bout de votre siège, Gildor, quand même. C'est un gars que j'ai découvert l'année dernière au Franco. Danny Placard. Mais ben non, c'est vrai. Que, vous connaissez Danny Placard, peut-être? Bon, il en fait au bout du country. Si vous voulez parler dans le micro, vous gênez pas. Je serais trop confortable. Vous sonniez dans le placard. D'ailleurs, vous savez pourquoi il s'appelle Danny Placard? Hein? Non. Ben, en fait, c'est une très bonne... premièrement, il vient de La Terrière, j'aimerais le dire. À La Terrière, c'est une petite ville du Saguenay. Vous savez, quand on arrive au Saguenay, la première ville qu'on croise, ben ville. La première maison qu'on croise, c'est La Terrière. Ah oui? Et il était en colocation avec plusieurs personnes qui faisaient visiblement le party et... Un soir, il a décidé d'aller dormir dans son placard et il en a fait sa chambre parce que vraiment, il y avait trop de bruit autour. Et il s'appelle depuis Danny Placard. C'est fou, hein? C'est beau. C'est beau, faudrait pas exagérer non plus. Et il vient de sortir son nouvel album, Santa Maria. Et on écoute chanson populaire. C'est le moment de la recette de la semaine. Déjà. Gildor et Alexandre, si vous en êtes à votre première. Là. Jean-Sébastien, depuis le début des... J'ai fait la SPIC. Ah, c'est vrai? Non, vous avez fait la SPIC de Jean-Sébastien. Non, mais j'ai toujours haï la SPIC. Je jubilais, c'était bien. Vous savez pourquoi on n'aimerait pas la SPIC? C'est bon, c'est du gelo avec des bonnes choses. C'est dégueulasse. C'est gelo salé, franchement. Ouais. Ben, alors, pour ceux qui n'écoutaient pas la première semaine, donc il y a maintenant un mois de ça, Jean-Sébastien... Vous êtes nombreux. Jean-Sébastien nous a fait un aspic. Oui. Il a fait aussi une salade de patates avec de la mayonnaise. La semaine dernière. Il a fait aussi un spaghetti aux 24 tranches de fromage single. Ben, c'est des recettes familiales. Ouais, mais c'est non, bon. C'est ça. Non, mais on va abattre le snobisme culinaire. On va revenir au vrai manger. Et je poursuis dans cette veine-là aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va évoquer des souvenirs pour les gens sur le plateau ici. Je vais vous cuisiner ma fameuse casserole au cam. Oh. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de ça, le cam, absolument. Alexandre? Mais Jean-Sébastien, par contre, il y a quelque chose qui m'inquiète. Quoi c'est donc? Que vous êtes nu. Oui. Vous avez un filet sur la tête, mais vous ne l'avez pas ailleurs. Et il y a des chances qu'il y ait un poil qui puisse tomber dans votre recette. Alors faites attention. De toute façon, avec tout ce que ça contient, le cam, on ne verrait pas la différence. Ça serait un moindre mal. Parce qu'honnêtement, vous êtes dû pour une trim. Non, mais il y a une certaine pudeur, moi, à avoir autant de poils, je trouve. Pensez. On voit rien. Bon. Ça s'appelle le shrinkage factor. C'est vrai que ça fait pas chaud ici. Jean-Sébastien, allez-y, moi. Alors voilà, le cam, c'est quoi le cam? Donc, c'est un pain de viande en conserve. Ouais. Et il existe toutes sortes de viandes en conserve, évidemment. On a le jambon cuit, Maple Leaf ici. Ça, c'est un grand classique que j'ai ici. Pierre Labelle. Pierre, oui? L'humoriste faisait un excellent sketch sur ces viandes-là. Alors, pour les plus vieux, on les salue à la messe. Ben merci, vrai. Ah oui. Quelle belle anecdote. Non, ça me fait penser à ça, c'est pour okay. ça. Évidemment, le corned beef salé, on se souvient de quoi? De tout ça, évidemment. Le corned beef, c'est du bœuf salé. Oui. Donnez-moi la canne. Je vous l'offre. Dans Tintin d'Amérique, il tombe dans une grosse cuve de bœuf comme ça. Juste fermez le micro, de près, pour finir sa chronique, s'il vous plaît. Bien Dieu, excusez-moi, vous connaissez pas ça, désolé. C'est une enfilade de référence qui mène absolument rien. Alors, évidemment, pourquoi on devrait poursuivre encore cette consommation? Évidemment, ce sont des viandes qui sont économiques. Ouais. C'est très pratique, Frédéric. C'est de la viande qui est déjà cuite, évidemment. Avec les vies qu'on mène, hein, on n'a plus le temps de faire cuire nos viandes. Et il y en a, évidemment, pour tous les goûts. Le pain de viande qu'on mange. Vous savez que mon poulet, je le mange en tartare. Hein? J'ai plus le temps de le faire cuire. Alors, écoutez, je vais vous inviter, Olivier. Je ne sais pas si vous avez ouvert... j'ai ouvert ça ici, une petite jamais, carte. Jamais. C'est compliqué. Formidable. Non, c'est très simple. Vous avez une clé. Ah. Ça vient avec une petite clé. C'est la caractéristique. Ouais. Donc, vous avez une petite clé sur le côté. Donc, vous n'avez pas besoin... Mais c'est pas une recette, ça, Jean-Sébastien Ducamp. Attendez. Okay. Je fais comme après dans son assiette. J'en parle longuement avant. Et à la toute fin, je vais avoir une petite recette. Oh, hein? Ça sent bon. Je vais vous parler de l'histoire de ces canages-là, etc. Alors, d'où ça vient? Vous allez me poser la question. Alors, on a commencé à mettre en canne de la viande à partir de 1900. C'était d'ailleurs la viande qu'on a commencé en premier dans l'histoire des canages. Parce qu'évidemment, bon, c'était facile à transporter. Là, vous venez d'ouvrir, Olivier. Hey, moi, exactement. Bon, est-ce que je peux ouvrir le corned beef? Absolument. Alors, évidemment, donc, on pouvait transporter ça facilement. Pas besoin de le réfrigérer. C'était formidable. Et il faut savoir que ici, bon là j'ai une boîte de cam, mais ça. Le pain de viande le plus populaire au monde, c'est le SPAM, S-P-A-M. J'en sois beaucoup. Mais c'est même pas une blague, en fait, parce que ça évoque justement, oui, alors on identifie par SPAM le pourriel, mais c'est inspiré d'ailleurs de ça, ce fameux pain de viande-là, qui est devenu surtout populaire pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que la compagnie fournissait aux soldats cette petite morceau de... Mon Dieu. Vous avez ce morceau de viande-là. Parce que c'était facile, évidemment. C'était compact, c'était léger. Et toujours, à n'importe quel moment, dans une tranchée, on pouvait ouvrir cette petite... Absolument, parce qu'il y a une clé. Se faire une fondue dans une tranchée, c'était pas évident. Mon père était soldat, moi. Oui. Ah, c'est vrai. Le reste de sa vie, il n'a pas été capable de manger de jambon. C'est vrai? À cause de ça. Bon, mais évidemment, quand la Deuxième Guerre s'est terminée, les compagnies se sont dit... Bon, là, effectivement, il va falloir qu'on continue à survivre. Alors, ils se sont dit, il faut qu'on entre dans la tête des femmes de ménage, les femmes de maison, qu'elles ont besoin de continuer à manger ça? Mais oui, qu'est-ce que vous juste faites? Juste les gens à la maison, on, est, on vient de réussir à sortir le corned beef de sa canne. Et franchement, l'odeur est extraordinaire. Hein? J'aurais dû amener Chanel. Ah, votre chien aurait adoré, franchement. Okay. Alors, on voulait vendre aux femmes l'idée qu'elles pouvaient sauver du temps. La jeune femme moderne, d'après la Deuxième Guerre mondiale, n'avait pas le temps de faire cuire des viandes, donc elle prenait de ses viandes. Effectivement, c'est devenu extrêmement populaire et ça existe encore beaucoup aujourd'hui. Le Spam est une superstar alimentaire. C'est vendu dans 41 pays aujourd'hui. C'est offert dans 15 variétés, genre épicé, jalapeno, etc. comme des chips, bacon, en fait. Ouais. Et le pays où les gens virent de sourd le plus... pour le Spam, c'est à Hawaï. Écoutez, là, j'invente rien. C'est là qu'il y a la plus grande consommation par habitant. Mm-hmm. On trouve du Spam dans le menu du Burger King. On le sert sous forme de sushi dans les stations-service. Ah, mon Dieu, Jésus. Absolument. Seigneur. Et tous les ans, on tient un festival de Spam à Hawaï. Ah, ouais. En Oregon, il y a une parade annuelle sur le Spam, inspirée du Spam. Au Minnesota, le Spam a son propre musée. À Porto Rico, on mange dans les mets traditionnels. Alors, il y a un sandwich très populaire, fait avec du Spam, du fromage Velveeta, des piments, etc. Et enfin, en Angleterre... Finalement, la presse avait raison. Le monde est effectivement malade. Absolument. Donc, évidemment, les apôtres du bon manger vont dire « Ouais, ben c'est peut-être pas bon pour la santé. À vous de juger. » Si vous prenez une canne complète pour un repas, par exemple, Jean-Philippe, ça correspond à 840 calories, à 54 grammes de gras, à 315 mg de cholestérol et à 3360 mg de sodium. Et ça correspond, et c'est le vrai calcul, à 136% de votre portion de sel recommandée tous les jours. Ça pour un repas seulement? Un seul repas. Wow. Alors, on va faire la recette maintenant. Il y a une nouvelle tendance actuellement. J'ai vu ça à l'épicerie. On a demandé à Chuck Hughes. Vous avez vu une nouvelle tendance à l'épicerie? Oui, c'était en 2010. Ah. Et on demande donc à des chefs de réinterpréter des recettes originales, des recettes un petit peu plus fancy. Moi, je reviens à la base avec une recette qui a vraiment existé. Ça a pas de c'est bon la sens. Casserole. Il y a des gens qui se bouchent le nez pour ouvrir ici, alors, sur le plateau. Alors, vous prenez tout simplement une casserole. Je vais avoir besoin de... Ça n'a pas de bon sens. Alors, voilà. On va simplement mettre deux cubes de pâme dans la casserole, un à côté de l'autre. Et j'invente pas la recette, pour vrai, ça se mangeait beaucoup. Deux cubes de pâme. C'était clair. Vous allez les tailler un peu. Ouais. On va faire des petites tranches. Un mirepoix. Ouais, ça sent tellement mauvais, là. Vous dire comment ça sent mauvais, là. C'est ça n'a pas de bon c'est sens pas pire qu'autre. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Plutôt que de faire un gros rôti, on va ajouter ici, voilà. Il y a le docteur Ballard qui m'écrit sur Facebook, qui donnerait même pas ça à son chien. Alors, j'ajoute... évidemment, ici, oups, attention, une canne de jus de tomate sur le pain. Ah mon Dieu, mais il fait ça pour vrai, mais Jean-Sébastien, c'est écœurant. Ça manque de sel. Écoutez, c'est un repas, c'est un rôti qui prend 5 minutes à faire. Et on termine en ajoutant des patates en canne qui sont déjà cuites. Et on déjà épluchées, parce déjà qu'avec épluché. Nos mets de fou, on n'a plus avec le temps. Avec les vies qu'on a aujourd'hui, là, on n'a plus le temps de peler des patates. On met ça, voilà. OK. Et voilà, on a déjà un repas fait. Je vais inviter évidemment Alexandre Taillefer à y goûter. À ma casserole de Spam. Faites attention, parce que ça pourrait couler sur les ordinateurs. Oui. Vous n'avez pas mis, vous avez pas mis d'anus étoilé là-dedans. Non. Merci. Voilà, j'ai une fourchette pour vous, Gildard, merci, aussi. Merci, Gildard, d'avoir... Prenez vos fourchettes. Gildard. Ah, voilà. Ça, c'est fin, ça. C'est gentil. Alors, évidemment, si vous désirez obtenir cette recette-là, vous me faites parvenir une enveloppe préaffranchie au 1400 Dorchester et je vous l'envoie par la poste dans la prochaine semaine. On n'a pas de couteau, mais il paraît que ça se défait, la fourchette. C'est tellement bien cuit. C'est une viande tendre. Ah, oh, que c'est délicieux. Ben, écoutez, je vous laisse y goûter. Puis nous, on va aller écouter Olivier Niquette, ça vous dérange pas. Il goûte, on va avoir une réaction. Puis... délicieux. Mon Dieu, Gildard, arrêtez, il n'arrête pas d'en manger. Non, mais franchement, on va laisser mijoter ça, puis on va aller voir Olivier, voir ce qu'il veut dire. Okay. Il paye du monde pour rediffuser des extraits de la radio de Québec. Il me trouve drôle, qui m'engage au lieu de penser des bons. On a-tu vraiment besoin de ça comme contribuable? Juste une petite parenthèse, Jean-Sébastien, c'est dégueulasse. Et pour vrai, je prendrais comme un petit, une semaine hiatus comme ça pour prendre un petit break de nouvelles. Je pense qu'il est de bon ton de trouver ça mauvais, mais pourquoi on n'aimerait pas ça? C'est du pain de viande, on a mangé toute notre vie. De la steakette de bologna, pourquoi c'est plus bon maintenant? Ben, c'était peut-être pas bon avant. C'est ça l'histoire. Hey, Olivier, allez-y. Hein, oui, ben, c'était cette semaine qu'entrait en onde le successeur de Radio X Montréal, Radio 9, et plusieurs personnes s'en sont réjouies. C'est fou ce que changer de nom peut berner du monde. Hein. C'est comme vous, Jean-Philippe, vous paraissiez pas mal moins distingué quand vous vous appeliez Gauthier. En tout cas, Dominique Moret est toujours là à Radio 9, un des meilleurs journalistes de sa génération, peut-on entendre dans leur publicité, pas pour rien, qui enquête. Non, mais j'en reviens pas encore que vous m'insultiez comme pas ça. Pas pour rien qu'il a enquêté et découvert grâce à son imagination que plusieurs des commentaires publiés sur le site de la consultation publique de Martin Coiteux étaient le fruit d'un complot de Québec solidaire. Ça, c'est du Québec solidaire. Là, il y a des partis qui ont demandé à des bénévoles d'écrire des lettres pour que ça paraisse sur... C'est du populisme. C'est des affaires qui semblent faciles, mais les écoles privées, c'est facile là-dessus, mais pensez un peu plus, là. Tu sais, quand Richard Martineau trouve que quelque chose est populiste, on est rendu loin. Mais c'est vrai que c'est facile de fesser sur les écoles privées. Dominique Moret, lui, il travaille très fort pour plutôt fesser sur l'EBS, les garderies et les frais de scolarité, qui sont pas mal, en passant, les réponses les plus populaires du site en question. Donc, Richard Martineau est à Radio 9, tout comme Denise Bombardier, Lise Ravary, Jean-Jacques Sanson, qui était aussi à Radio X. Il y a aussi Caroline Proulx, qui co-animait avec Éric Duhaime, qui a maintenant sa propre émission. Carl Monette n'est plus là le matin, il a été remplacé par Louis Lemieux, qu'on aime beaucoup ici, mais qui a comme co-animateur le gars qui a déjà inventé que j'étais derrière un site anarcho-communiste qui voulait faire fermer Radio X, payer avec ses taxes. Je ne suis pas rancunier, je vous avoue, je trouve qu'il y a une belle voix, ce gars-là. Il y a toujours aussi, comme chroniqueur, Richard Descaries, ancien conseiller de Stephen Harper, qui, je l'avoue, s'est adouci. Avant, il disait réchauffiste et gauche aux deux mots. Ça, c'est très gauche, hein? La gauche. Ça dérange bien la gauche, mais de gauche environnementaliste. Alors ça, c'est toute notre gauche. Et maintenant, il a remplacé ça par étatisme. L'expansion de l'étatisme, hein? Système étatique, de financement étatique. L'étatisme ne maigrit jamais, hein? Sans venir étatiser de A à Z, encore des déficits étatiques. Bon, faut l'avouer, Louis Lemieux a quand même un effet positif sur lui. Hein? Sinon, on retrouve aussi le dragon François Lambert, après avoir insulté votre épouse. Là, je vais insulter votre collègue, peut-être. En fait, il y a probablement des gens à la maison qui se demandent comment ça se fait que c'est moi qui est assis ici. Mais c'est parce que François Lambert a été pris par une autre chaîne de radio. En tout cas, à date, François a parlé de sa Lamborghini, de son chalet dans les Laurentides et du drone qu'il s'est acheté parce qu'il a perdu l'autre drone qu'il venait de s'acheter. Mais il n'est pas le seul nouveau collaborateur, il y a aussi le beau Mario. Louis, c'est Mario Saint-Amand. Écoute, je sais qu'il y a de bonheur, mais il fallait que je te dise, le mieux, c'est le matin. C'est là que ça se parle. Fait que tu m'appelles n'importe quand, puis j'ai bien hâte de t'entendre à Radio 9. Salut! Hey, ça vous met un beau sourire sur votre petit déjeuner, hein? Quand même. Sinon, on apprenait cette semaine toujours grâce à Radio X que oui. Rambo Gauthier avait été approché par le Bloc québécois. Oui, le Bloc est rendu bas, vous allez dire, mais il n'y a rien là, hein? En plus, ils font affaire avec des petits monsieur sur Facebook. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a... Il y a un petit monsieur, Jonathan quelque chose, de La Rochelle. Il m'a écrit sur Facebook, là. Il était militant pour le Bloc, puis ils l'ont mandaté pour m'approcher, voir si j'étais intéressé pour les prochaines élections fédérales. Hey, wow. Fédéral, arrête ça. Si moi, tu veux que je fasse avec ça. Bon, de toute façon, là, même si ça peut être payant, la politique, ça n'intéresse pas Rambo. Lui, il traite plus sur les chars hybrides que sur les Ferrari. Il n'a juste pas la même définition d'hybride que nous. T'es allé en politique pour t'acheter une belle Ferrari, toi aussi? Non, ça serait toujours moi, un bon petit pick-up pour aller dans le bois, puis être hybride. C'est asphalte, puis dans le bois. Bon, sur asphalte, puis dans le bois. Parfait pour livrer de la soupe sur un chantier. D'autre part, Jeff Fillion était très inquiet d'apprendre qu'une école du bas du fleuve interdisait maintenant les ficellos, oui, les petits fromages qui goûtent le plastique, là. Et ça, là, ça ouvre la porte à toutes sortes de fléaux. Pas le droit à des ficellos, pas le droit à... Pourquoi pas de ficellos? Ben, pas le droit, en fait, à rien qui est emballé parce que c'est une école verte. Ça, c'est pour ça que j'haïs quand on demande plus de cours d'histoire. Je veux pas que ce monde-là donne des cours d'histoire à mes enfants. Il va leur en donner. Même chose pour l'économie. Ouais. Ils vont parler de la bourse du carbone. Parlons pas de l'économie, là. Ils vont parler du communisme, ils vont parler de la coopération, ils vont parler de plein d'affaires. Là. Oh mon Dieu, ils vont parler de coopération, cachez les enfants! Non, mais le ficello comme cheval de Troie du communisme, vous avez pas vu ça venir, hein? Non. Tout est dans tout. Merci, Olivier. Merci beaucoup. Avant de se quitter pour les nouvelles, Jean-Sébastien, est-ce que vous avez des questions pour nos invités de ce soir? Oui, bien, on a demandé aux gens d'écrire des questions pour Gilda. Malheureusement, personne n'en a écrit. On a des questions pour Alexandre seulement. Je suis vraiment désolé, ça ne m'appartient pas. C'est pas grave. Alors, voilà, j'arrive pas à en inventer. La première question qui nous vient d'une Marino pour Alexandre, qui va comme suit: je n'ai rien contre Jean-Sébastien Girard, mais honnêtement, si ça avait été vous qui étiez nu aujourd'hui, je serais venu en courant au Helm. Savez-vous que vous êtes le sex-symbole des dragons? Est-ce que c'est une vraie question? Absolument, ça, c'est une vraie question. Ah oui? C'est ouais. Pas vous qui l'avez écrit? Ben, franchement. Ben là, je sais tu, moi. Je veux dire, sexe symbole des dragons, vous avez une chance sur trois. Il y a quand même Gaétan Frigon, là, attention. Mais Marino, ça me semble être... M-E-A-U-L-T. Ah, oh. Ah, Marie? Le Marie, ben oui. No. Marie. Pas comme le docteur Marino qui faisait les grosses femmes de l'époque. Mais oui, mais on savait pas ça. Ben merci Jean-Sébastien, vous êtes très utile. Avez-vous d'autres choses? Ben oui, un autre courriel pour Alexandre qui vient de Nathalie Dion. Vous êtes riche comme Crésus. Seriez-vous game d'investir dans un spectacle live sur scène avec les gars de la soirée est encore jeune? Ça, c'est vous, ça? Non! Ben voyons donc, il y a quelqu'un qui nous a écrit ça. Oui. Mais c'est gênant, là. D'un coup, il veut pas. OK, ben on va... Mais laissez-le répondre. Ouais, c'est ça. Vous avez une réponse pour 20? Je passe. Gildan Frigo aurait dit oui. Gildan, merci. Merci beaucoup. On vous écoute à Théorie du chaos les mercredis à 21h30, je pense, à Radio-Canada. Exactement. Et c'est très bon. Merci d'être passé, Gildan. Merci. Merci beaucoup. Et nous, on se revoit dans quelques secondes. Non, quelques minutes. Hein. Ah, c'est long, les nouvelles. Dans 10 minutes après les nouvelles. Pour la deuxième heure de la soirée est encore jeune en ce samedi 13 septembre. Superbe samedi. Oh, je vous remercie beaucoup, madame, pour mon cidre. On commence l'heure en force. On commence l'heure en force parce qu'on va répondre à la question du jour. On nous rappelle la question du jour, Olivier, s'il te plaît. On rappelle la question. Seriez-vous prêt à payer pour Radio-Canada, incluant entrée principale? On a ajusté la question ici. C'était cap sur l'été au début de l'émission, juste pour le savoir. D'accord. Plusieurs personnes disent qu'ils paieraient juste pour nous. Je vous cache pas que c'est un peu pour ça que j'avais posé la question, pour avoir des compliments, mais en tout cas. D'abord, il y a Paul qui nous dit « En tout cas, je paierais pour ne pas voir le Timé Show. » Franchement, laissez-y donc Il n'y a même pas encore commencé. C'est franchement que les gens sont de mauvaise foi. Sinon, Simon nous dit « Je serais prêt à payer pour du contenu original, pas une copie d'un sketch américain. » Mot-clic, mean tweet, mot-clic, fail, gémeaux. Oh là là! Parce qu'ils font référence à quelque chose, je sais pas quoi. Pas fort. Et enfin, il y a l'humoriste Louis T qui répond ha ha ha ha. C'est un humoriste. Faut rappeler quand même que la question originale, c'était sur Capture l'été et non pas entrée principale, parce qu'on se rappellera que Louis T est dans entrée principale. Une autre personne, d'ailleurs, qui est membre de l'émission entrée principale, c'est Jean-Sébastien Girard, qui, on doit le rappeler, est encore nu. Oui, absolument. On vous invite à réagir sur ma nudité. Pour quelle raison, déjà, vous êtes nu? Ah, mon Dieu. Pour documenter la réaction des gens face à la nudité masculine. Ah, d'accord. Est-ce que des gens... On a déjà une réaction. On a un poll qui dit « On dirait que le jingle de la météo ne sonne pas pareil avec Jean-Sébastien Girard tout nu. » Ah, c'est vrai. Ben, ça se pourrait très, très bien, ça. Ce qui est fantastique dans votre émission, c'est qu'il n'y a jamais de longueur. Il n'y en a pas de longueur. Mon Dieu, que ça vaut la peine de l'avoir autour de la table, Alexandre Taillefer, hein, quand même. On l'applaudit. On remercie Alexandre d'être avec nous pour toute la soirée. Et vous savez quoi? À chaque samedi, on réserve un petit moment pour discuter avec notre invité d'honneur. Et ce soir, Alexandre Taillefer a choisi un sujet, les taxis. Restez ici, tout le monde. Oui, je sais, restez ici. Restez ici. Je pense que ça va être quand même assez intéressant. Mais vous savez, vous ne pas oublier, hein, Alexandre est un homme d'affaires. Ça peut être un peu parfois... Rébarbatif. Ennuyant. Ennuyant, oui. Mais pourquoi vous voulez nous parler de taxi cette semaine, Alexandre? Bien, écoutez, vous savez qu'en ce moment, il y a quelque chose de très important qui se passe dans l'industrie du taxi. Uber est en train d'envahir la ville. Une application sur Internet qui vous permet, sur votre téléphone mobile... Qui fonctionne très, très bien. Qui fonctionne très, très bien. J'ai quelques réserves. Mais pour moi, Uber, c'est la Walmartisation, la Walmartisation... Oui, on est en français ici. De l'industrie du taxi. Ah. Si vous saviez combien est-ce qu'un chauffeur de taxi fait sur une base quotidienne, vous seriez extrêmement surpris. Alors, laissez-moi vous éduquer. Est-ce que vous êtes fâché de ne pas avoir eu le flash de Uber? Je vais tuer Uber. Ben, oh, oh mon Dieu, mais là, faut placer les gens, là. Uber, c'est une petite application toute simple. Ouais. Et ça permet d'appeler un... Là, on appelle ça un taxi, mais ça permet d'appeler une personne qui a aussi Uber dans sa voiture et qui se donne à la disposition des clients potentiels. Et on peut voir sur une carte la personne qui est dans la voiture. Vous l'appelez. On voit sa face. Tout à fait. Et il vient vous chercher et il vous charge un tarif qui ressemble à celui du tarif des taxis. En fait, c'est le tarif du taxi qui est entré dans l'application Uber. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Uber charge 15 % aux chauffeurs de taxi. Donc, si une course coûte 20 $, Uber conserve 3 $. Vous avez calculé ça vite comme ça, non, moi. Je suis assez ça, c'est un gars qui connaît son... Ça a l'air simple, ça a l'air de ne pas coûter très cher, 15 % mais sachez qu'un chauffeur de taxi dans une journée qui dure à peu près 12 heures par jour va générer un revenu global autour de 200 $. 200 $. Les coûts reliés à ça, il faut qu'ils payent sa TPS-TVQ. C'est les permis, c'est qu'il y a eu... Je vais revenir sur les permis parce que c'est encore pire de prendre en considération les permis. Mais si vous regardez 200 $ de revenus dans une journée, 30 $ de TPS-TVQ, il reste 170. Vous me suivez? Oui. Après ça, il y a à peu près entre 45 et 50 $ d'essence par jour que ça coûte. Alors, on est rendu à combien? 120. Après ça, il faut louer le taxi à quelqu'un qui est propriétaire de la licence et de la voiture. Combien? 75 $. OK, OK. Il vous reste combien? 55. 55 $ pour 12 heures, ça fait combien de l'heure, ça, M. Vautier? Ça fait en bas de 5 $. Ça doit être 4,60. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on se plaint de l'industrie du taxi, on se plaint de la qualité des chauffeurs, on se plaint de la propreté, on se plaint de l'état des voitures, comment est-ce que ces gens-là sont en mesure aujourd'hui de vivre? C'est extrêmement compliqué. Et quand arrive une compagnie comme Uber qui dit « Ah, moi, je vais juste prendre 15 %», bien, sachez que 15 %, c'est 100 % des profits de l'industrie. OK. Mais pourquoi les chauffeurs de taxi décident d'adhérer à Uber? Parce que Uber, c'est un service qui est, on appelle ça essentiellement, vous le payez quand il vous amène un client. Oui. Alors, il vous amène un client, vous allez lui payer 15 %. Ouais. Ce qui se passe habituellement dans l'industrie, c'est les services comme Diamond, comme Co-op, comme etc., etc. Les gens s'abonnent à ça et paient un montant mensuel forfaitaire déterminé pour le service. Alors, ils préfèrent aujourd'hui payer en fonction des clients qui leur sont amenés 15 % versus payer une mensualité. Et là, évidemment, il y a des gens qui ont certainement lu l'article vous concernant dans la presse cette semaine. Vous voulez nous plugger vos taxis verts, j'imagine. Les taxis électriques. C'était pas un show de plug? Bien, on vous paye pour ça quand même. Là. Juste vérifier, est-ce qu'on lui donne un contrat, Alexandre? Alors oui, c'est une plug. Et donc, on vous propose des taxis. Vous nous proposez des taxis verts, donc des taxis électriques. Mais en quoi le taxi électrique va sauver l'industrie du taxi? Écoutez, c'est très simple. Aujourd'hui, l'industrie dépense 80 millions de dollars par année en pétrole. Le même coût pour une auto électrique, ça va être 12 millions de dollars par année, une économie de 68 millions. En mutualisant aussi les chauffeurs de taxi, on travaille aujourd'hui sur un projet d'économie verte et d'économie sociale en mutualisant les taxis. C'est ce qui veut dire? C'est-à-dire que... Pour les gens à la maison, évidemment. On veut s'assurer de mettre en place une mutuelle des taxis où tous les chauffeurs, tous les propriétaires de licences vont pouvoir être actionnaires de cette plateforme-là et pouvoir partager, bénéficier des profits qui vont être générés. Parce que le prix des permis, ça n'a aucun bon sens. Un permis de taxi, ça se vendait il y a 4 ans, 230 000 $. Alors imaginez-vous, là, quelqu'un qui gagne 65 $ par jour, 75 $ par jour, il faut en plus de ça, s'il est propriétaire du taxi et de la licence, il faut qu'il emprunte la banque pour pouvoir acheter. Et souvent, ils louent les voitures, ils ne sont même pas propriétaires de voitures, les chauffeurs. Il y a 4 436 licences à Montréal. Vous voyez, j'ai fait mes devoirs. Il y en a 3 800 qui sont détenus par des individus. La plupart du temps, ce sont des gens qui exploitent eux-mêmes leur taxi. Okay. Mais 195 000 $, je veux juste mettre ça en perspective, habituellement, les gens vont demander 25 %. Il reste 150 000 d'emprunt à 7 % par année, 10 500 $ par année de frais d'intérêt. On n'a pas remboursé une scène de capital. Les banques nous égorgent. C'était pas le sujet de ma chronique. Ouais, ouais, c'est ça, je me disais. Mais là, on va revenir au sujet de la chronique parce que toute cette belle idée-là, c'est une belle idée. Ben, mais je suis assez fier de l'idée, je dois vous dire. Ben, félicitations. Mais à quel moment ça se peut, ça? Parce qu'il me semble que vous allez avoir affronté quelques écueils, comme par exemple l'industrie du taxi. Écoutez, quand on rencontre aujourd'hui, puis on a rencontré de nombreux chauffeurs de taxi pour leur expliquer le modèle, ce qu'on leur proposait, on a l'intention de leur remettre une voiture électrique sans qu'ils aient un sou à payer. on va faire un nouveau deal dans l'industrie et on va s'assurer de permettre à ces gens-là d'augmenter leurs conditions salariales de l'ordre de 25 %. Et que pensez-vous de l'auto en libre partage? Je trouve ça fantastique. Savez-vous quoi? L'auto en libre partage, c'est probablement un des facteurs les plus importants pour l'utilisation du taxi. Parce que l'auto en libre partage évite aux gens d'acheter une voiture ou d'en acheter une seconde. Oui. Et le taxi devient aujourd'hui une alternative parce que l'auto en libre partage, c'est bon pour telle chose, mais s'il pleut, comme aujourd'hui, on veut se rendre à tel endroit, mais il y a des chances qu'on prenne un petit verre de vin au restaurant, on va probablement utiliser le taxi. Le taxi, c'est vrai. Voilà. Puis le taxi, c'est la même chose. En quelle année on va embarquer dans votre taxi vert? Vous allez pouvoir embarquer avec moi en 2015, Jean-Philippe, mais ça va être une exception pour vous. En 2016, je promets. En 2016, je vais avoir ma petite casquette en avant. En 2016, je vous promets que vous allez avoir 50 voitures électriques à Montréal. En 2019, nous serons entièrement électrifiés. Et on sera la première ville, j'espère. La première ville au monde à être entièrement électrique. Jean-Sébastien devrait amener une serviette. Mais le Jean-Sébastien va se rhabiller d'ici 2016, on le souhaite tous. Merci Alexandre. Et merci de votre présence, hein, parce que je vais vous dire, vous êtes beaucoup plus drôle que la plupart des gens autour de la table. Non, je suis très honnête, là. Hein. Oui, tout à fait. Bon, merci. La météo. Il y a la ville de Regina. La ville de Regina vient de nous rejoindre. Le soleil est disparu. C'est totalement nuageux. Alors, on les félicite. Et, circulation, surtout. Hein? Oui, la circulation. Félix nous écrit que c'était full fluide tout à l'heure. Là, c'est sûr qu'on n'est pas en temps réel. Mais tantôt, c'était full fluide sur la route 13 entre Saint-Eustache et la 440. Il pleut en maudit. Vraiment pas dangereux. Écrire un mail en conduisant. Ça, c'est Félix qui dit. Et il nous a écrit un petit peu pour nous dire que ça refoulait à partir de l'entrée de la 15 Sud à l'entrée de l'île de Montréal. Là, je ne sais pas si c'est le trafic ou l'eau qui refoule parce qu'il pleut énormément. Il y a Patrice qui nous dit qu'il n'y a pas de trafic sur la 10 Est entre Marieville et Sherbrooke. Il pleut. Puis tu l'as pas dit, par exemple, j'avais oublié de dire qu'il pleuvait partout au Québec et pas seulement à Montréal. Cette émission est trop centrée sur elle-même. Ben oui, tout à fait. C'est un grave problème. Quelle est la température à l'intérieur? Vous savez que Danny Placard, qu'on écoutait en première heure, vient de l'intérieur. Je l'ai mentionné. À l'intérieur? Mais faites des recherches, vous reviendrez plus tard. Je savais que j'ai juste Québec et Montréal sur ma carte. C'est une méta-carte. Je fais de la méta-météo, moi. D'accord. Ouais. Ben, vous nous direz la température des Bahamas aussi, peut-être plus tard. Mais merci beaucoup, Fred. Hein? Et si vous avez des notes à nous envoyer pour Frédéric, il est en alerte 24 heures sur 24. Tout le temps. Oui. Alors, il peut intervenir à tout moment pour donner la circulation. Et je tiens à vous dire qu'en ce moment, sur Bernard, c'est extrêmement fluide. Oui. Alors, notre deuxième invité, Fred. Je l'ai découvert dans l'émission Youhou. Vous l'avez sûrement découvert dans le déclin de l'Empire américain. Accueillons un homme jamais en déclin, lui, M. Pierre Curzi. Hey! Monsieur Curzi. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Quel bonheur de vous recevoir, M. Curzi. On savait qu'on allait très bien terminer l'heure avec vous, franchement. Ah oui, j'en suis certain. Et je me demandais, là, vous, là, est-ce que vous avez encore votre carte du Parti québécois? Ben non, je ne l'ai plus. Je ne suis plus membre du Parti québécois. Ben voyons donc, une petite chicane, là. C'est rien qu'une petite chicane, cette affaire-là. C'est rien qu'une petite chicane, mais après ça, je me sentais moins enthousiaste et moins bien accueilli. Fait que j'ai comme négligé. Ah oui, hein? Ouais, j'ai négligé de renouveler. C'est 5 piastres. Ouais, c'est vrai que c'est pas cher. Peut-être que je la reprendrai finalement si je veux voter. Ou me présenter, tu sais, par exemple. Ah, ça, c'est intéressant. Ah, ça. Cool. Ben non, mais attendez un peu, là, attendez un peu. Il y avait un bouchon sur Avenue du Parc. Je ah oui? Ah oui, il y avait un bouchon sur Avenue du Parc? Bon, à Montréal, je le dis plus, les bouchons, parce que c'est rendu un mode de vie. Vous savez que le taxi électrique va tout régler ça. Ah, on en parlera. Il va avoir des ailes. Ah oui. Est-ce que vous êtes encore membre du Club de la Souveraineté? Oui. Qui semble se rétrécir de jour en jour. Non, mais je suis président du Nouveau Mouvement pour le Québec, qui est un mouvement souverainiste. Oui. Puis la semaine prochaine, le 20-21, on organise Destination avec le Conseil de la souveraineté. Puis ça va être pas mal, tripeur, je pense. Mais ça, on va faire un peu d'humour avec ça tout à l'heure. OK, ben oui, mais j'espère. Mais non, on va en parler tout de suite, parce que justement, vous venez de nommer sur ce petit événement Destination. Nation. Avec évidemment, ça doit être le jeu de mots. C'est assez innovateur. J'aime ça, moi, les jeux de mots. J'adore. Est-ce que c'est vous qui avez trouvé ça? Non, malheureusement pas. Malheureusement. Non, j'aurais été fier, mais malheureusement, c'est pas moi. En même temps, je me dis, c'est peut-être un plus pour vous de ne pas l'avoir trouvé. vous avez dit du NMQ et de cette rencontre-là, Destination, que ça se veut le coup d'envoi du regain d'intérêt pour un Québec indépendant. Oh, c'est pas moi qui ai écrit ça. Pareil. Ah ben là, j'aurais pas écrit ça de même. C'est écrit selon Pierre Curzi. Non, mais écoute, ça va être. Et ça va suivre le vote sur l'indépendance en Écosse. Si c'est oui, ça va être pas mal joyeux. Si c'est non, ben ça va être plus sérieux. Mais ça va être excitant parce que c'est clair que le mouvement de l'indépendance... ça va pas bien, là. C'est pas les années les plus fertiles. Mais, donc, il y a besoin de s'en parler. Ouais. Tu sais, comme disait Jean-Martin, refonder le Parti québécois. Mais il faut réfléchir là-dessus. C'est une belle vision, vouloir un pays pour soi, être indépendant. Moi, je crois toujours à ça profondément. Mais il y en a d'autres qui y croient pas. Donc, échangeons là-dessus, voir qu'est-ce qui serait Mais ça fait idéal. Pas maintenant comme 45 ans qu'on échange là-dessus, juste pour ouais, voir. Oui, c'est hein? Parce qu'à un moment donné, on a-tu fait le tour de ça? Est-ce que ça se pourrait qu'on ait fait le tour d'indépendance? Ça se pourrait. Puis quand est-ce que vous allez vous en apercevoir? Ben, je sais pas. Non, mais si c'est arrivé, je sais pas. Parce que peut-être que c'est pas arrivé. Pas aujourd'hui, puis pas la fin de semaine prochaine. Peut-être après. OK. Non, mais c'est une bonne question quand même. Hein, c'est une bonne question, parce qu'avec les résultats du Parti québécois aux dernières élections, d'aucuns prendraient le temps de se dire « c'est peut-être mort, cette histoire-là ». Penses-tu sérieusement? Ben, je me dis en même temps. Ah non, mais là, je te regarde dans les yeux. Est-ce que tu penses sérieusement que cette idée-là est morte? Ben pas pour une couple de personnes. Non. Mais si je me retourne vers Alexandre Taillefer et je lui demande « Est-ce que vous pensez, M. Taillefer, que cette idée-là est morte? » Il va répondre. Écoutez, pour moi, la chose la plus importante, c'est de soutenir le modèle québécois. Un modèle d'équité, d'égalité, d'accessibilité. Et pour supporter ça, il faut faire de l'argent. Ah! Et pour comment faire de l'argent, la meilleure façon de faire de l'argent? Ça serait certainement pas en étant indépendant. Oh, non, mais non, mais voyons! Au contraire, quand t'es indépendant, t'as juste un rapport d'impôt, contrôler toutes tes décisions, faire de l'argent, ça va être formidable. Non, 100 millions, non, arrête, toi. Arrêtez-moi ça, arrête s'il vous plaît. Toi. Non, il se trompe complètement. Non, il y a un élément qui est complètement dans le champ. Il y a quelque chose qui est très important. Taillefer est dans le champ. Non, mais vous me regardiez tout à l'heure, vous m'applaudissiez pour les taxis, vous me trouvez pas tant dans le champ. Oui, mais tantôt, tu parlais de la mutualisation, c'est un beau modèle. La mutualisation, c'est la coopérative, puis tout ça. Ça, là, la coopérative, la mutualisation, ces valeurs-là. On peut-tu trouver des nouveaux modèles pour le Québec au lieu de revenir tout le temps, de créer au-dessus du Québec un nuage qui fait que, regardez la performance économique du Québec depuis les années 80, c'est une catastrophe. Et nous c'est devons... Non, mais c'est ça, ouais, mais on n'est pas indépendant. J'ai pas le rapport. C'est pas parce qu'on est indépendant, on l'est pas. C'est une catastrophe. Peut-être quand ça irait mieux si on l'était. Là, juste vous dire, il nous reste 35 minutes. Je voudrais que personne ne se batte d'ici la fin de l'émission. Mais on peut tirer du poignet, par exemple. Pendant qu'on parle, on tire du poignet. Est-ce que vous feriez ça, tirer du poignet? Pendant qu'on parle. OK, Olivier, sortez votre téléphone, filmez ça pour les réseaux sociaux. Et là, Alexandre Taillefer. Allez voir comment et Pierre Curzi. Juste vous dire, Alexandre, Pierre Curzi n'a pas votre âge, hein. Soyez gentil quand même. Non mais faut faire attention. Ouais, hein. C'est vrai, j'ai un handicap, donc c'est ça. Je peux partir penché. Moi, je partirais penché. OK. Voilà. Dans le déclin de l'Empire américain, c'était quelle main, la main gauche ou la main droite? La main droite. OK. On va y aller. Alors, c'est un match... en fait, je vais y aller. C'est comme la prédiction du résultat du référendum en Écosse, ça. OK? Ouais, c'est un peu ça. Tourner le poignet. Tu vois, ça, c'est une technique fédéraliste. C'est des tourneux de poignet. Moi, regarde comment je suis en aide. Moi, je suis droit, là. Droit. Oui, oui. Faites-vous pas mal, là. On y va dans trois. OK, dans trois. Deux, un zéro. Il est fort, mais je suis fort. Attends, la table. Tiens la table. Attention, le verre d'eau. Non, je ne sais pas. Juste pour les gens à la maison, Alexandre Taillefer est en train de... Bon, Alexandre Taillefer a remporté le tir au poignet. Vive un Québec fort. C'est bien fort, Taillefer, crime. Tu lèves des poids. Ah, c'est ça, tu lèves des poids. Bon, alors que moi, je joue au badminton. Ben, c'est ça. Tu comprends, c'est ça la différence entre un Québec indépendant et un Québec fédéral. Ils sont là qui lèvent des poids à Ottawa. Nous autres, on joue au tennis. On fait sur le moineau. On fait sur le moineau. On a la raquette qui vole dans les airs. Hey, si c'est pas une émission de service, c'est quoi ça, mesdames et messieurs, hein, quand même? Hey, c'est pas rien, ça. Mon Dieu, que c'était bon. Alors là, juste pour être certain. Oui. Là, on sait maintenant que l'Écosse va. Le nom va l'emporter. Mais non. Oui, mais c'est un peu le. Oui, c'est un. C'est-tu le dernier sondage, ça? Non, c'est. Ben, en fait. Le sondage d'hier, ouais, le nom oui, a pris l'avance à 53. Mais ouais, votre tir au poignet, c'était la prédiction, là. On le sait maintenant. Ah, non, sérieusement. Il y avait le handicap de l'âge. De l'âge. Je suis quand même un vieux croulant. Mais je trouve que c'est quand même une belle représentation de ce qui se passe avec la souveraineté. Hein. C'est beaucoup l'âge les gens âgés qui sont pour la souveraineté. Je me trompe? De votre génération, là? Ben, en tout cas, moi, je fréquente beaucoup de monde qui sont assez allumés, qui sont assez jeunes. À votre âge, qui sont quand même? Brillants. Oui, oui, je les fréquente pareil. Mais on fait ça dignement, là. Et puis, garde, il y en a un tiers du monde qui pense que c'est un bon modèle politique. C'est le meilleur modèle politique. Il y en a un tiers qui pense que non, ça serait mieux d'être dans une confédération. Puis il y en a un autre tiers qui ne sait pas trop. Les idées ne meurent pas. Moi, je ne suis pas un ayatollah. Je suis pas... C'est un régime politique qu'on cherche, qui soit idéal, puis qui nous permette de prospérer collectivement. Moi, ma vraie question maintenant, c'est quels sont les consensus forts au Québec qui nous permettraient collectivement, avec toutes les parties d'une collectivité, d'aller vers un futur meilleur. Un futur meilleur, ça veut dire garder ce qu'on a, là, une éducation intelligente, une santé répandue, et puis une prospérité généralisée. Ça, moi, c'est ce dont je rêve. Puis moi, je suis curieux de savoir quelle est l'opinion de l'ensemble de la population pour savoir c'est quoi le modèle que vous souhaiteriez avoir. Si on en trouve un, puis c'est pas tout à fait le mien, puis c'est pas tout à fait le sien, je serais partant pour ça. Mais pour le moment, moi, je continue à dire « Celui-là m'apparaît, pour moi, le meilleur. » Donc, je vais en parler, je vais essayer de le creuser, je vais essayer de le proposer. Libre aux gens de l'accepter ou de le refuser. Vous me semblez un bon porte-parole, Pierre Curzi, quand même. Franchement, là, il y a... Bon. Les gens qui n'ont pas quitté applaudissent. Il reste encore des gens convaincus. Vous semblez croire, M. Curzi, qu'on est aux antipodes? Pas du tout. Moi, je crois en Québec fort. Je suis un nationaliste. Je suis un nationaliste. J'ai une passion fondamentale pour Montréal avant tout. Je pense qu'on est un endroit sur Terre extraordinaire où les gens sont très, très heureux. Et pour moi, ce qui est le plus important, vous savez quoi? C'est l'index du bonheur. Si dans 25 ans, on avait quelque chose à dire, ça devrait être que notre population soit la plus heureuse sur cette planète, on va avoir réussi quelque chose. Ben dans ce bar-là, les gens sont très heureux. Puis ça, vraiment, là, on le note. Vive le bonheur. Puis le bonheur, c'est basé sur le sentiment que tu existes en égalité et en amitié avec les autres. Donc, il y a des sentiments, il y a des valeurs de justice, de distribution de la richesse, d'accès aux services. Bref, toutes ces affaires-là qui sont si passionnantes. Ben on voit bien ça. On voit bien ça. Une autre passion, c'est le jeu. Et vous revenez à la télé. Allez, là, je fais tout un lien, là. Vous revenez à la télé, Pierre Curzi, avec Nouvelle Adresse. Le premier épisode est la semaine dernière, était la semaine dernière. J'ai regardé ça avec attention et je ne vous y ai pas encore vu. Ben non, je suis pas là. Je suis là comme une émission sur deux. Arrêtez donc. Il y a des très belles scènes. C'est le père, le grand-père. Fait que le grand-père, c'est comme dans la vie, là. Tu sais, on le voit une fois sur deux, c'est ça. Jusqu'au temps qu'on l'envoie au centre de vieux. Il y a des belles, il y a des beaux rapports avec les enfants, avec les petits-enfants. Il y a des belles scènes. C'est une belle série, bien écrite, bien jouée, bien réalisée, bien produite. Moi, je suis très content d'être dans cette série-là. On est content de vous revoir parce que vous savez, quand on préparait votre entrevue, on s'est dit, mon Dieu, quel bon comédien que Pierre Curzi. Et il a joué dans tellement de bons films. On parlait des ploufs récemment. La semaine passée, on parlait des ploufs. Et il y a deux semaines. On s'est dit, on va vous offrir un petit cadeau, Pierre Curzi. Mais tout un cadeau. Et c'est Jean-Sébastien Girard et Fred Savard qui ont envie de vous l'offrir. Oui. Jean-Sébastien. Ben, en fait, on vient tous les deux du théâtre, hein? Donc, on aime beaucoup reprendre certaines scènes classiques du cinéma. Mais c'est vrai que Jean-Sébastien vient du théâtre. Et donc, on va reprendre cette scène classique qu'on a évoquée il y a quelques minutes. Évidemment, la fameuse scène du massage dans Le Déclin de l'Empire américain. Donc, cette scène entre vous, entre Pierre Curzi... En fait, c'est la scène salon de massage, officiellement, dans le texte. C'est le salon de massage. Donc, c'est vous qui allez vous faire masser par Geneviève Rioux. Oui. Donc, vous racontez la façon que vous l'avez rencontré dans le film. Vous êtes, parce que vous tombez en amour avec Geneviève et là, vous racontez à vos amis pendant ce fameux souper où vous mangez de la tarte au poisson, comme le disait le personnage de... Le gros fun, c'est la tarte de poisson. Qui est un grave lax, dans le fond. Il n'y a pas une tarte du tout, mais bon. Pas du tout. Là, écoute, c'est... Non, c'est une recette compliquée. Je reviendrai vous l'expliquer. Alors, je serai Geneviève Rioux. Oui, et je serai Pierre Curzi, évidemment. Alors, cap sur le théâtre. Avez-vous fini vos travaux? Il m'en reste un pour lundi prochain, l'histoire médiévale. Vous travaillez sur quoi? Le millénarisme. Je suis fasciné par tous les gens maintenant qui parlent de l'an 2000. Allez-vous prendre le spécial? Oui. Est-ce que vous connaissez les prix? Manuel, c'est 25, buccal, 40. Moi, je ne vais pas plus loin. Je vais prendre la main pour aujourd'hui. Voulez-vous que je paye tout de suite? Non, tout à l'heure. C'est comme ça que je me suis intéressé à l'an 1000. En Europe, vous savez, c'est un événement capital. Il y a plein de gens qui pensaient que, à minuit, le 1er janvier de l'an 1000, la fin du monde était pour arriver. La trompette de Gabriel, les quatre chevaliers de l'Apocalypse, le jugement dernier, tout le Bataclan. Ah, oh, mon Dieu, j'ai pas enlevé ma blouse. Je suis pas tellement sexy, hein? Vous êtes très bien comme ça. Alors, les cathédrales étaient pleines. Il y a beaucoup de gens qui vendaient leur maison pour pouvoir donner leur argent aux pauvres. Il y en a d'autres qui faisaient des processions en se flagellant publiquement. Il y en a même qui embrassaient des lépreux, qui léchaient leurs plaies. Moi, ce qui me fascinait là-dedans, surtout, c'était essentiel. Excusez-moi, je vais jouir. Oh. Excusez-moi, je parle beaucoup trop. Merci beaucoup, madame. De rien, monsieur. Cette scène pourrait contenir des bruits et des propos ne pouvant pas convenir à un jeune public. Nous préférions vous en avertir. La magie, je suis partagé. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de me faire masser ici. Je suis partagé un petit peu. Hey, c'est du talent au pied carré, ça, mon ami. Il est en train de dire le talent de Jean-Sébastien, parce que dans le texte, il me dit « Ah, mon Dieu, j'ai pas enlevé ma blouse, et pourtant, il est nu. » C'est quand même un rôle de composition. Et on remercie Olivier Niquette qui nous a prêté son Purel à la saveur de cerise. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, pour les effets sonores. Pierre Curzi, une dernière question quand même. Il faut que je vous pose cette question-là. Est-ce que vous l'avez reprise souvent, cette scène-là, où ça a été du one-shot? Bien honnêtement, là. Ben, moi, écoute, très franchement, sans vouloir me vanter, j'ai insisté pour qu'on la refasse au moins 3 fois. Ah, merci, Pierre Curzi. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que je peux parler? Ah, ben oui! Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais là, avant, on va prendre un break parce que c'est le moment de la pièce musicale de l'heure. Et c'est Olivier qui, cette semaine, nous propose quoi? Ben, moi, je suis tombé cette semaine sur une critique de Pierre Harel, l'ancien du groupe Corbeau, sur le site de Canoë. Il parlait du premier album de Philippe Braque qui s'intitule La foire et l'ordre. Et il trouve vraiment que c'est de la chenoute. Et comme il y a quelques temps, il trouvait aussi que Louis-Jean Cormier, c'était de la chenoute, ben, je me suis dit, ça peut juste être bon. Il n'est pas du tout amer. Hein? Fait que je connaissais pas ça. On écoute ça. C'est la pièce C'est tout oublié. Alors, on parlait un peu plus tôt de la tarte aux poissons du déclin de l'Empire américain. J'ai fait mes recherches. C'est un coulibiac. Ah oui. Et sur le site de Cinémiam, hein, qui se spécialise dans le cinéma et le manger, visiblement, il nous donne la recette du fameux coulibiac du déclin de l'Empire parce que Claude, bon, Yves-Jacques, dans cette scène-là, remplace le saumon par de la truite et le riz par du tapioca. Est-ce que vous vous souvenez de ça, Pierre Curzi? Ah non, je me souvenais pas de ça. Ah, ben franchement. Parce que moi, je l'ai essayé, la recette, j'ai mis du riz. Ah, ben c'est votre erreur. Ben oui, et, alors, il faut quand même pas mal d'ingrédients. Là, je ne vous les donnerai pas tout, mais ça prend quand même aussi des champignons de Paris, des oignons blancs et beaucoup de sensualité. Alors, on va aller immédiatement au sport avec Olivier Niquet. J'ai eu peur que le petit indicatif parte pas, j'aurais pas pu faire ma chronique. Ah, on vous aurait écouté quand même, Olivier. Vous savez comment on vous aime ici. Mais d'abord, du côté de... Mon Dieu, personne n'a réagi, hein? Alors, je pense qu'on vous aime pas tant que ça. Bon. Ben d'abord, du côté de la lutte, on en a parlé un peu tantôt, mais Hulk Hogan était au Comic-Con de Montréal hier et aujourd'hui, alors vous avez probablement À Montréal? Oui. Ben voyons donc. Il signait des autographes puis tout. Puis comment ça se fait qu'on l'a pas eu sur notre émission? Bonne question, notre recherchiste. Ben, c'est ça. Recherchiste entre guillemets. Oui, il faut le dire. Continuez. Sinon, c'était cette semaine que recommençait l'émission L'Antichambre à RDS. Il y avait aussi l'émission de sport de Jean-Charles Lajoie à Radio 9. Ça, j'en reparle demain. Mais aussi la nouvelle émission de Dave Morissette à TVA Sport, une sorte de talk show sportif sur un grand plateau où on trouve entre autres un genre de jeu de poche géant où les invités tenteront de battre des records entre deux entrevues. Et ça commençait avec Michel Therrien. On va se le dire, ça fait de la maudite bonne télé. C'est quoi le défi DM? C'est 9 balles et tu vois les cibles. tu dois avoir le meilleur score possible. Et t'es le premier invité, hein? Donc j'aimerais ça avoir un haut pointage. T'es prêt? OK, on va essayer ça. OK. Ça me reste 9 balles. Ça on va baisser le son, là. C'est un peu long, là. On y reviendra plus tard. Ça fait pas de la bonne radio, en tout cas. Messieurs, vous serez heureux d'apprendre que selon un sondage du Journal de Montréal dévoilé ce matin, 42 % des partisans de Canadiens croient que ça sent la coupe. Je voudrais dire aussi que c'est aussi le pourcentage de vote qu'a obtenu le Parti libéral du Québec aux dernières élections. J'en déduis que 42 % des gens sont naïfs en maudit. Parlons un peu de Sakou Koivu maintenant, qui, après avoir survécu à un cancer, un coup de bâton dans l'œil et au duo Mario Tremblay et Jean Houle, vient d'annoncer qu'il prendra sa retraite. Et justement, Mario Tremblay, le digne successeur de Jean Perron pour ce qui est de mélanger des expressions, avait un beau témoignage à faire au sujet de Sakou Koivu. Et je te jure aujourd'hui que moi et ma femme, on broyait comme deux madones. Et je te parle encore de ça aujourd'hui, puis j'ai des frissons partout sur le corps. Et n'oubliez pas non plus qu'il a été blessé à un œil. Justin Williams de la Caroline avait frappé l'œil de Sakou, donc avait détaché la ratine de son œil. Eh oui, il y avait de la ratine dans son œil. Il y a de quoi pleurer comme une madone, faut l'avouer. Bon, c'est fini, là, le jeu de Dave Morissette, là? On y voit qu'un mille. Un mille. OK. Oh, c'est correct, c'est un lampe de part. Le 10 000! Oh! Le 10 000! Hey, c'est vraiment passionnant, hein? Ouais, là, on est juste rendu au milieu, fait que on va y revenir plus tard. OK, d'accord. Quelques résultats en attendant. Les Alouettes ont perdu contre les Eskimos d'Edmonton hier, 33-16. Cyclisme... Ah, j'ai écrit cyclisme, mais j'ai rien écrit à côté, en tout cas. ce soir, l'Impact affronte le Revolution de la Nouvelle-Angleterre à 19h30, à ne pas manquer, à moins d'avoir vraiment quelque chose d'important à faire. Est-ce que c'est à Montréal, le match? Non, c'est à Revolution. Et pour revenir au monde du TVA Sport, imaginez-vous que Jean-François Del Torchio, le proche conseiller de François Legault, a décidé de quitter la CAQ pour se joindre à TVA Sport. Il va s'occuper de la mise en marché des émissions de hockey. Et je ne sais pas s'il va sortir un bon slogan comme « On se donne Legault », genre « Avec Morissette, on sue comme des sports ». D'ailleurs, on est rendu où là, avec Dave? La dernière, il faut que tu te concentres. La dernière, là? Oui, ça prend un gros score. Hein? Okay. Oh! C'est 22 000! Michel, c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça, sauf si t'es un téléspectateur qui doit se taper 4 minutes d'un gars qui joue aux poches à la télé. C'est juste ça, il n'y avait pas de punch. Ah ouais? D'après moi, ils vont garder ça aussi longtemps que le courrier du cœur de Fred Savard. Ah ouais. On termine avec la pensée du jour de Michel Baudry. S'il vous plaît. Je viens de découvrir qu'un septième de notre vie se passe un jeudi. Ah, bon, ça n'a pas, pas de bon sens. Merci Olivier Niquette. Bon. C'est le moment de notre segment légendaire, le préféré de plusieurs à l'émission. C'est le moment du vu, pas vu. Alors écoutez bien, c'est le moment de l'émission où deux personnes débattent d'un truc qu'ils ont vu ou pas. Hein? Et c'est ce moment où tout le monde autour du plateau essaie de deviner qui a vu ou pas ce que les gens ont vu ou pas. Hein? Oui. Vous me suivez là? Oui. Alors, c'est assez clair. Alors cette semaine... Je vois pas moi. Mais c'est assez facile en fait, Pierre Curzi. Pierre Curzi? On va donner mon exemple. Bon. C'est le film Mamie. Alors cette semaine, Jean-Sébastien Girard... et Fred Savard ont vu ou pas le film Mommy. C'est-à-dire qu'une des deux personnes ici ce soir qui l'ont vraiment vu et l'autre ne l'a pas vu. Mais fait semblant qu'elle l'a vu. On peut voir si on peut parler intelligemment de quelque chose sans la connaître. Ben voyons. Et notre... parlez-vous de souveraineté, là? Et donc, notre objectif à tout le monde ici autour de la table, et je ne le sais pas non plus, c'est de deviner qui a vu ou pas ce film-là. Donc, je le répète, Jean-Sébastien Girard et Fred Savard ont vu le film Mommy de Xavier Dolan. Oui. Et je commencerai avec Fred Savard. Non, ça va être... On s'est écrit ce matin sur... Je suis curieux de voir quelqu'un qui n'a pas vu un film, comment il va nous le placer. Alors, Jean-Sébastien, qui a vu ou pas Mommy, allez-y. Oui. Vous avez aimé ça? J'ai beaucoup aimé ça. Donc, le film n'est pas encore disponible sur nos écrans. Non. Ça va sortir le 19, donc pas cette semaine, donc vendredi prochain. Et c'était la grande première tapis rouge lundi. J'étais étonné de ne pas vous voir là, d'ailleurs. Vous, tu sais, d'habitude, quand il y a des vedettes, vous, puis Anne-Marie Wootenshaw, vous êtes là pour bonifier votre Instagram. Mais vous n'y étiez pas. Ben, j'étais pas là, Jean-Sébastien, mais vous non plus, vous n'y étiez pas. On ne sait pas. On le sait pas. Alors voilà, cinquième film de Xavier Dolan que j'ai beaucoup aimé, effectivement. Est-ce que je suis un disciple, une espèce de vendu à Xavier Dolan dans la vie? Non. Alors, il faut savoir que, dans ce cas-ci, on parle vraiment d'un film exceptionnel. Je pense que, Fred, vous n'êtes pas d'accord. Non, mais je suis pas le seul. Évidemment, je ne suis pas le seul à le penser. On a eu le droit à une innovation de 6 minutes le soir de la première fois. Ah, mon Dieu, 6 minutes? Une innovation à Montréal, ce n'est pas, pas à Montréal, mais dans le cadre Le laitier fait son travail, les gens ovationnent. Je sais. On parle au théâtre et tout, mais est-ce que vous avez déjà vu Innovation debout dans une première de film? Moi, c'est la première fois que je voyais ça. Je vois rarement en première. Là, j'étais là lundi soir pour l'exercice au Théâtre Maisonneuve. C'était lundi matin, c'est pas ça. Non, le tapis rouge, c'était le soir. Il y avait un visionnement de presse le matin. Ce serait le fun de parler du film aussi. Oui, j'ai pas vu ni l'un ni l'autre. Moi, j'étais là, c'est le tapis rouge. Bon. Vous l'avez pas vu, hein? Voilà. Donc, rapidement, pour la petite histoire, c'est un film qui met en vedette Diane, interprétée par Anne Dorval, une veuve qui vit avec son fils, Steve, interprété par Antoine-Olivier Pilon, un adolescent difficile, impulsif, violent, qui atteint d'un TDAH. Oui. Donc, quoi? Arrêtez donc, vous l'avez pas vu, c'est ridicule. Ah ouais, continuez, Jean-Sébastien. Alors voilà, donc une cohabitation difficile entre les deux, évidemment. Leur dynamique va être un peu transformée par l'avenue d'un troisième personnage, la voisine interprétée par Suzanne, qui est fatiguante. Fred. Voilà, une bègue, hein, qui est bègue pour quelle raison, Fred? Parce qu'elle a eu un traumatisme à l'enfance. Oui, voilà. Donc... Continuez. Hein? Oui, voilà. Donc, évidemment, cette dynamique-là va être complètement changée. Diane, c'est un personnage qui est sur le chômage. Elle tente d'éviter l'aide sociale. Elle rame fort, évidemment, pour réparer les gaffes de son fils. Elle l'aime d'un amour inconditionnel. Ouais. Elle est prête à tout pour lui. Bon, évidemment, c'est le thème de l'amour mère-fils, qui est un thème de prédilection pour Xavier Dolan. Ça, hein? Cela étant, c'est un film très différent de son tout premier, J'ai tué ma mère, parce qu'on parle d'un film évidemment beaucoup plus achevé que le premier, plus achevé que tous les films de Xavier d'ailleurs. On est totalement ailleurs, des personnages beaucoup plus complexes, beaucoup plus étoffés, et d'ailleurs, à ce titre-là, on peut parler du personnage de Anne Dorval peut-être comme étant un des plus beaux personnages féminins du cinéma québécois. Mais voyons donc! Un personnage dangereux, Fred, j'en conviens, qu'on aurait pu verser très rapidement dans la caricature. Bon, Diane est pauvre, elle habite dans un quartier populaire de Longueuil, elle a un franc-parler très coloré, elle s'habille avec des jeans en paillettes très serrées, elle a une teinture trois couleurs, etc. Donc, ça aurait été facile de verser dans la caricature. Or, Dolan, on le sent tout le long du film, aime profondément ce personnage-là. Il évite toute forme de jugement. Il n'y a aucun misérabilisme dans la façon dont il aborde ce personnage-là. Vous avez lu Marc Cassivi, ça paraît? Non, absolument pas. OK. Alors, Diane, c'est une femme intelligente, attachante, et au-delà des éclats de Anderval, parce que oui, on va dire, Anderval fait du Anderval, il faut être assez inconscient pour reprocher à Anderval de ne pas jouer aussi cette fragilité qu'on sent du début à la fin, cette faille qu'on sent du début à la fin, malgré quand même ces éclats. Mais vous avez envie de me... Je vais pleurer, Jean-Sébastien, j'ai même plus envie d'écouter Fred. Toujours est-il que... Est-ce que vous l'avez vu, Pierre Curzi, mamie? Ben, évidemment. Est-ce que vous avez aimé ça? Ah, j'ai adoré ça. Ah, ben, vous allez être le juge de cette bataille-là, Fred. Moi, je suis pas... Ça part très mal. Non, c'est un film d'exception. Xavier Dolan a 25 ans, on s'entend. C'est son cinquième long-métrage. Et ce qui va arriver après, j'ai hâte de voir. Sauf que moi, je suis pas un grand fan de Xavier Dolan. Moi, je trouve que c'est too much à un moment donné. Il y a des trouvailles... Tu sais, bon, l'écran, c'est carré. En fait, c'est pas le rapport 4-3. Non, mais... C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai. Bon, et c'est quand même intéressant. Le film repose pas là-dessus. Mais moi, j'ai trouvé... C'est filmé en Instagram. C'est comme Tarantino. Je vais vous dire, Tarantino est un grand réalisateur. Moi, je suis allergique à Tarantino et je pense que je suis allergique à Xavier Dolan. Je trouve que c'est too much. La musique est omniprésente, la lumière il y a eu un beau travail. Parce que la lumière est presque un personnage parce que dans certaines scènes, elle appuie le côté dramatique, mais c'est très dramatique. Est-ce que c'est alambiqué? C'est in your face, vraiment. Ben, alambiqué, je dirais pas ça, mais c'est encore une fois la fixation de la mère. Mais on le sait, en création, souvent, on va reprocher à certains auteurs de faire le même livre pendant 25 ans. Et c'est son sujet. Mais moi, à un moment donné, je suis un peu tanné de ça, la fixation de la mère. Les personnages sont évidemment hallucinants, particulièrement Antoine-Olivier Dion, je pense. Absolument, parce qu'on qui crève l'écran, tout littéralement. À fait. Et Anne Dorval, moi, je suis pas un grand fan, là, je le dis humblement, je suis pas un grand fan d'Anne Dorval. Oui. Sans prétention. C'est Lola. En fait, c'est Lola de Chambreville depuis cet an. Sauf que là, c'est un Lola un peu qui aurait pris du Crystal Meth. On pourrait dire ça. Je vais vous faire une confidence, sincèrement. Je ne suis pas resté jusqu'à la fin. Je suis parti en plein milieu. Et d'ailleurs, Sophie Lorrain m'a suivi immédiatement après. Je pense qu'elle attendait que quelqu'un parte en premier. Alors, je ne peux pas vous compter la fin, malheureusement. Mais je garde. Ça va être mon dernier. J'avais vu Thomas Laferme également. Puis, tu sais, bon, gros plan, des ralentis, des 360. Je pense que j'ai fait mais ça, c'est détail qui est embêtant, ça, le détail de Sophie Lorrain. Je sais pas si vous avez rangé ça. Vous a... avec ça. Si vous avez inclus ça dans votre histoire pour vrai, mais c'est louche quand même. Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez pas vu, Alexandre Taillefer? Vous l'avez pas vu? J'ai pas été invité à la première. Moi non plus, c'est bizarre. Alexandre, Jean-Sébastien, ouais. Ce qui m'étonne dans votre cas, c'est que je pense que c'est un film qui pourrait intéresser les détracteurs spontanés de Xavier Dolan. C'est pas inintéressant, on s'entend. C'est juste que moi. Je sais, ça me touche, j'ai peut-être un cœur insensible, je sais pas. L'approche formelle et tout ça, généralement, qui peut, dans certains films de Xavier Dolan, est un petit peu lourd, s'incruste, je trouve, de façon extrêmement habile, ça vient servir leur propos. Alors que dans d'autres films, effectivement, il y a une espèce de lourdeur, une signature où on a l'impression que Xavier Dolan voulait absolument nous montrer le cinéma qu'il était capable de faire, les références qu'il avait. Dans ce film-là, on le sent pas. On dirait qu'il n'y a plus besoin de nous prouver. On le sait, c'est qui Xavier Dolan, on sait qu'il n'est pas con. On sait que Dolan, on le sait qu'il n'est pas niaiseux. Et donc, je pense qu'il n'y a plus besoin de rien prouver. Non, c'est sûr. Et, en même temps. OK, bien... Voilà, une dépression, parce il y a juste 25 ans. On s'en fout de son âge. Manière dont vous nous l'avez présenté, au début, Jean-Sébastien, la manière dont vous avez présenté le rôle d'Anne Dorval me fait beaucoup penser à « J'ai tué ma mère ». Mais oui, mais c'est un peu le même rôle. C'est toujours la même affaire. C'est un peu le même personnage. Mes parents, c'est la même chose. Je vais vous dire de quoi, vous n'allez pas me croire, mais quand j'ai préparé ce matin ma critique, je me suis souvenu que c'était Anne Dorval dans « J'ai tué ma mère ». Ben voyons jamais... donc! Attendez! C'est presque fabriqué. Je n'ai jamais pensé au premier film. J'ai juste fait le lien ce matin parce que ça reste le même thème. Mais maintenant, on va... le lien d'amour entre une mère et un fils, est-ce qu'on va le faire deux fois puis c'est fini? Moi, j'ai fait le tour. Vous avez fait le tour de... Ça serait comme dire, on va arrêter de parler de l'amour au cinéma. On l'a fait. Woody Allen a parlé de l'amour, on va arrêter. C'est un thème qui est capable de réinventer et qui le fait avec une maturité différente. Okay. J'ai tué ma mère, il l'a fait à 18 ans, ça a été écrit à 18 ans. Ben merci. Là, on sent vraiment une profondeur. Merci, messieurs. Alors, on va faire... Merci, messieurs. On va faire un rapide tour de table. Je vais commencer par Alexandre Taillefer, qui m'a l'air de douter depuis maintenant 6 minutes. Et Alexandre, qui a vu... Mommy ici. Ben, c'est un peu comme le sketch du déclin tout à l'heure. Jean-Sébastien est vraiment extraordinaire. Oui. Vraiment très, très bon. Je pense que c'est Fred qui est allé voir le film. Ah oui, hein? Alors Alexandre pense que c'est Fred. Pierre Curzi... Je veux juste dire, attends une minute, avant que M. Curzi parle, c'est pas la première fois que je quittais avant la fin. À Léolo aussi, j'étais parti... j'étais plus jeune, là, j'étais prêt à le voir. À la scène du foie de veau, c'est ça? Ouais, ouais, non, c'est sûrement nous, j'étais comme ça va faire. La scène de la tomate aussi, un peu. Mais Pierre Curzi, vous qui avez vu... Vous avez écouté moi, je crois que la masseuse Jean-Sébastien a vu le film. Vous l'avez aimé, Mommy? Oui, j'ai adoré. OK, et vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire? Absolument, totalement. Ah, mon Dieu, c'est très convaincant. Moi, je suis... C'est beaucoup moins prétentieux. OK, Jean-Sébastien, ça suffit. Et moi, je juste donc. Noter... Qu'est-ce que vous avez dit prétentieux dans ce film-là, Fred? Messieurs! C'était trop long. je ne vais pas rester jusqu'à la fin, je trouvais ça trop long. Excusez! Bon. Votre prochain film d'être trop long. Oui? J'ai déjà vu la maman la putain, c'est 4 heures. C'est un peu long. Et là, ça me fait énormément plaisir parce qu'on est en train de défoncer sur notre temps prévu et on avait les spectacles au Canada que Fred devait faire, mais ça va être Fred qui va payer. On va les faire. Alors, moi, depuis les débuts de ce segment-là, je suis 0-3. Je n'ai jamais réussi à trouver la personne qui a vu ou pas le film ou la série télé. Et cette semaine, je pense que je vais aller dans le sens d'Alexandre. Et je pense que c'est Fred qui a vu Mommy. Alors, je vous demande au public maintenant, par applaudissement, qui croit que c'est Jean-Sébastien Girard qui a vu le film Mommy? Allez-y. OK. Pas très convaincant. Maintenant, qui croit, par applaudissement, que c'est Frédéric qui a vu Mommy? OK. Alors, attention. La réponse, qui a vu Mommy de Xavier Dolan? C'est moi, Jean-Sébastien. Ah! Jean-Sébastien Girard! Je le savais! Et je m'excuse à Sophie Lorrain, j'ai aucune idée de cette erreur. Je suis sûr qu'elle reste jusqu'à la fin. Moi, je veux vous dire une chose, je ne l'ai pas vu. Ah! Wow! Mais je me suis fait avoir comme un dégueulasse! Je suis maintenant 0-4 dans ce segment-là, je vous haïs tous! Mais Jean-Philippe, si je peux me permettre, moi non plus, je l'ai pas vu. Non, c'est une blague, je l'ai vu. C'est quoi? Je l'ai vu. Mami? Pardon. Ah, merci. Ben, c'est des spectacles au Canada. On en parlait justement, Fred. Dites-moi donc ce qu'il y a à faire en fin de semaine à Montréal et partout au Canada. Ben, ce soir, il y a Elton John au Rogers Arena de Vancouver. Arrêtez donc. Je trouve ça le fun. Mon Dieu, c'est ce soir. C'est court pour se rendre quand même. Ouais, non, c'est sûr. Faut prendre l'avion tout de suite. Chet Faker qui sera au Danforth Music Hall de Toronto. Je vous en parle parce que son nom est excellent. Évidemment, c'est un clin d'œil à Chet Baker. Ouais. Qui, bien que les comparaisons s'arrêtent là, puisque Chet Baker était très beau et Chet Faker est roux. Encore ce soir, Frankie Valli sera au Hard Rock Casino de Vancouver, l'interprète de Big Girls Don't Cry. Vous vous rappelez cette chanson-là? Bon, précurseur de l'intimidation, on peut le dire. D'ailleurs, si cette chanson était écrite aujourd'hui, elle s'intitulerait Girls with a Gland Problem Don't Cry. Il est également chanteur sur la pièce titre du film Grease. Savais-tu ça, Jean-Sébastien? Hey, je vous écoutais pas, je préparais ma chronique s'en vient. Ouais. Et à Québec, ce mardi, au nouvel amphithéâtre Vidéotron, on accueille Firefly, Innocent Victim, du groupe hommage à Uria Heep. Ça promet. Alors, le progressif qui fonctionne toujours très bien à Québec. Ah. Les spectacles hommage, franchement, wow. Merci beaucoup, Fred Savard. Ouais. Ben, on a très hâte d'aller voir Elton John ce soir à Vancouver. Hein? Oui, ben, ça va être bon, je pense. Il y a plusieurs succès quand même. Nikita, rappelez-vous de Nikita? Non. C'est-tu Nikita, la petite russe, là? OK, c'est pas super intéressant. Ouais, c'était bon. Jean-Sébastien, est-ce que vous avez des questions pour nos invités, que ce soit Pierre Curzi ou Alexandre Taillefer? Ben, Alexandre Taillefer, on les a fait au début de la... Ben, je sais bien, mais tout le monde écrit pour Alexandre Taillefer. Ben, il y a quand même quelqu'un qui écrit pour M. Curzi. Bonjour, M. Curzi. Bravo pour votre travail depuis plusieurs années. Vous êtes, à mon sens, un des plus grands acteurs du Québec. Ça prend effectivement beaucoup de talent pour faire croire aux gens que la souveraineté est encore une option. Sinon, un petit clin d'œil de votre collègue Daniel Henkel qui nous a écrit. Ben allô, non, c'est Alexandre. Pas vrai ça. Oui, oui. Ah, bonjour Alexandre, j'écoute pour la première fois, la soirée est encore jeune et pour les prochaines semaines, je passe. OK, c'était pas vrai. Mais je vous remercie beaucoup, Jean-Sébastien, c'est très, très gentil. Ah? Oh! Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, hein? Qu'est-ce que ça indique? C'est la blague de la semaine! Ah. C'est la blague du jour, en fait, parce que j'en fais maintenant aussi le dimanche, Jean-Philippe. Ah, quelle bonne nouvelle! Voilà. Jean-Sébastien nous raconte de bonnes vieilles blagues qui font rire beaucoup de gens. C'est étonnant, hein? Ben, c'est une émission d'humour. Que... C'est toujours aussi drôle. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur qui a 100 ans, Jean-Philippe. 100 ans? Imaginez 100 ans. Ben, je sais pas, je connais personne qui s'est rendu jusqu'à 100 ans, moi. Sauf dans mon histoire. Alors, le petit voisin s'en va cogner à la porte du vieux monsieur. Il dit « Monsieur, j'aimerais vraiment savoir c'est quoi le secret pour devenir un centenaire. » Il dit « C'est très facile, moi, mon secret, c'est d'avoir une vie réglée au quart de tour, comme du papier quadrillé. Ben » Il dit « Je fais invariablement les mêmes activités, toujours à la même heure. » Il dit « Par exemple, tous les matins, je me réveille à 5h30. » Ben voyons donc. Il dit « Ensuite, tous les matins, à 6h, je fais pipi. » Tous les matins, à 7h, je fais caca. » Bon, c'est une blague fleuve. Plaisir. Après, qu'est-ce que vous faites? Il dit, après ça, je me lève. Ah, c'est désagréable comme blague, ça, Jean-Sébastien. Mais je pense que les gens ne l'ont pas bien entendu. Mais je vous remercie beaucoup. Vous travaillerez on la mettra sur la page Facebook. Vous travaillerez sur une meilleure blague demain, Jean-Sébastien. C'est déjà tout pour cette semaine. Un immense merci à Alexandre Taillefer. Merci beaucoup. Immense. Et en 2016, on va voyager en taxi électrique. On a très hâte de ça. Dans le ciel, Montréal. Vous venez nous revoir bientôt, hein? Avec plaisir. Ah, génial. Merci à Alexandre. Merci à Pierre Curzi qu'on écoute dans la nouvelle adresse qui est à Radio-Canada. À 98.5. Ben oui, au 98.5 le matin, mais j'ai pas le droit d'en parler vraiment, là. Ah non, ben non. Vous en parliez tantôt pour Guilherme. Ah oui, vous avez raison. Au 98.5 avec Mario Dumont. Puis honnêtement, se donner comme ça avec Mario Dumont, je pense que ça vaut la peine qu'on le mentionne. Merci énormément, Pierre Curzi. Merci à toute l'équipe et tout le monde. On se voit demain à la même heure. Bon samedi soir, tout le monde.